Serra, l'animateur. L'animateur. Le mitrache de la bande FM. Serra. Celui qui a porté Barreto. Barreto. Serra. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Serra. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, Cécile au standard. Je m'en fous. C'est moi qui commande, ok? Ok, ce soir tu peux m'appeler Cécile. Bon, alors, c'est pas ce que je vois, c'est moi qui commande. Tu es le chef, Gérard. Donc, ça y est, il est quand même là. Alors, par contre, est-ce que je vais. Hervé, tu peux allumer ton micro? Il est allumé. Par contre, ce que je vais vous demander. Une chose, je ne veux pas entendre un Larsen. Donc, s'il y a un téléphone qui sonne, c'est pas la peine. Okay. D'accord. Il y a pas de problème. Donc, sur le web, il va se présenter tout seul et il va donner, parce que moi, je suis incapable de dire le web. Alors, tu donnes le site internet, s'il te plaît. Funradio.fr. C'est tout. Rubrique Gérard. Ah, bah, dis donc. T'as ta rubrique maintenant. Tu sais, t'as ta rubrique maintenant, Gérard. Ah. Max, Max, s'il te plaît. Non, Gérard, on sait. Non, il n'est pas encore l'heure. Max, s'il te plaît. Il est minuit et demi. Non. Gérard. Bon, à l'arrière, vous avez Monsieur Pedro. Bonsoir, Gérard. Le roi de Pedro. Ouais. Merci, public. Merci au public. Donc, alors, on accueille Leslie. Leslie. Salut. Salut à toi. Ça va tout le monde? Et toi? Ça va. Merci pour la semaine dernière de ne pas vouloir m'avoir parlé en antenne. Je suis timide. Comment? Je suis timide. Ouais, t'es timide, timide, mais je me soigne. Mais t'inquiète pas, je vais me rattraper. Non, tu me laisses un peu plus de son. Hippolyte. Salut Gérard, salut tout le monde. Attendez, je donne les fréquences. 101.9 pour l'Estagne, donc c'est Paris. Paris, ouais. Donc, toi, c'est Bourg... Bourg-Troude, 110-10. Mais attends, ça existe, cette fréquence? Bah oui, ça existe. Ouais, et la main de ma soeur dans la culotte d'un joueur, elle existe? Bah, j'en sais rien, demande-lui. Non, mais c'est 110-10. Tu la fermes? Ok. Oui, monsieur. Jacques, comment? Oui, monsieur. Hein, tu commences pas, hein, ok? Bah, c'est... Oui, Jacques Langue-Fourré, bonsoir tout le monde. 19-9 à Broutin-Sion. Bonsoir Gérard. Voilà. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et Boudin Rouge, comme par hasard, qui est encore là. Gagnère, ouais, 101.9. Alors, comme Max est là, Max, s'il te plaît. Salut Max. Non, mais c'est mon débat. Salut, c'est mon débat. Salut Max. Non. Attendez, s'il vous plaît. Salut Max. Coupe-moi les auditeurs, merci. Max. Tu peux dire comment que ça se fait qu'il y a un site internet à mon nom maintenant? Non, c'est pas un site internet, c'est simplement une rubrique. Ah, voilà. Attention. Donc c'est une rubrique. C'est une rubrique. Et une rubrique, exactement. Voilà, c'est une rubrique. Voilà. Donc, peut-être qu'on va faire le site internet de Gérard. J'ai pas dit que c'était l'aircon.fr. J'ai dit que c'était funradio.fr, rubrique Gérard. Mais dans ces cas-là, oui. Donc... Alors, avant de commencer, donc on a salué tout le monde. Oh, Pedro, si ça te dérange pas. Quoi, je gère, vas-y, continue, mais fais ton débat, toi. Non, mais attends, on va quand même saluer tous ceux qui travaillent, donc les agents de sécurité, les chauffeurs routiers, les chauffeurs de taxi, les infirmières, et bien sûr, sans oublier... Les chauffeurs de bus, parce que faut pas... Non, mais attendez, si vous coupez la lumière, moi, je vais pas pouvoir travailler, d'accord? Parce que là, j'ai bien l'intention d'aller très loin cette nuit. Donc, je voulais quand même saluer un chauffeur de bus, et malheureusement, il est sur une ligne que je vais revoir demain. Donc, je lui fais un petit coucou quand même, il me l'a dit. Donc, voilà. Voilà, Gérard, c'est question, si. Vas-y, commence. Voilà. Il est là. Donc, alors, le débat porte sur les jalousies, râteaux et lapins. Alors, qu'est-ce que la jalousie pour vous? On va demander à Ophélaïne. Allô? Merci. Oppenheim. C'est pas d'Oppenheim. C'est une nouvelle, elle vient d'arriver. C'est quand même pas moi qui t'appelle Oppenheim. Non, Hippolyte. Oh, mais attends. Hippolyte, Gérard. Hippolyte. Merci. Merci, Cécile. Tu dois connaître mon cousin Casimir. Ouais, tout à l'heure, je vais connaître ta soeur qui va aller sucer une bite, d'accord? Oh là là. Tu vas pas commencer à me casser les couilles! Gérard, ok! Attends, tu vas pas me casser les couilles! Ça va être chaud. Mais c'est pas toi que j'ai appelé Casimir, c'est mon cousin qui s'appelle Casimir. Ouais, mais ta soeur, elle s'appelle la main de ma soeur. Ok, c'est bon. Gérard, du calme. Gérard, moi j'ai déjà un chiffre au début du débat. La fois dernière, t'avais démarré à 2840 auditeurs. Là, pour commencer, t'es à 4111 auditeurs. Par contre, Cécile. T'en as rien à voir. Tu me dis, Gérard. Cécile. T'en as rien à foutre. Non, mais t'éteins ton micro, s'il te plaît. Par contre, attendez, avant qu'on commence. Non, mais de toute manière, faut bien que je mette les choses au clair. Avec le site internet, il y a un problème qui va se poser. Le site internet, faut bien se dire une chose, que les questions, je veux qu'ils aillent en rapport avec le débat. S'ils n'ont pas un rapport avec le débat, ce n'est pas la peine de les poser. Ok, Gérard. D'accord. Ok, vas-y, pose ta question. Il faudrait commencer, Gérard. Hein, ça bah, oui, mais ça y est, j'ai mis les choses au clair. Donc, on y va. Alors, qu'est-ce que la jalousie pour vous? Donc, j'avais demandé Hippolyte. Oui, c'est moi. Eh ben écoute, la jalousie, pas forcément dans un couple. C'est en fait quand on a envie de posséder ce que quelqu'un d'autre possède. C'est un sentiment malsain. Ah non, mais attends. Pour toi, la jalousie, c'est quoi? C'est un pour sentiment toi, malsain. Pour toi, non mais pour toi. Pour toi, la jalousie, ça représente quoi? Pour toi, vraiment. Bah, c'est pas bien. Je comprends pas ce qu'il faut que je te dise. Non, mais attends. Bon, ok. Attends. De toute manière, on en reparlera. Boudin rouge. Bah, moi, c'est un peu pareil, quoi. Si tu veux, c'est. Quand je vois qu'il y a un mec qui a un truc que j'ai pas, bah, ça m'énerve, quoi. Genre sa meuf. Hein. Mais pas forcément, quoi. Ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être. Je sais pas, une voiture, un demi. Non, attends, tu parles pas de demi, d'accord? On parle pas d'alcool, ok? J'ai pas parlé de ça, c'est toi qu'on parle là. J'ai pas dit un demi de quoi, on est d'accord? Un demi d'eau? Non, mais c'est bon, c'est toi qui viens d'en parler, ok? On est d'accord. Non, mais c'est bon! Alors, Boudin rouge en barre! Boudin rouge en barre! Merci! Gérard, il y a réaction par rapport au débat. Ouais. Il y a le petit Robert qui dit que dans jalousie, il y a un A et un E comme Gérard. Fin de mon intervention. Non, mais ça, de toute manière, je ne réponds pas là-dessus. Un quoi que tu m'as dit? Un G. Oui. Un A. Non, message du petit Robert qui dit que dans jalousie, il y a un A et un E comme Gérard. Je coupe mon micro. Ouais, ben, je vois pas du tout le rapport. Jean-Pourret. Bah écoute, en fait, la jalousie, c'est quand les gens ils sont pas prêteurs, en fait. C'est quand en fait ils ont des trucs et ils veulent pas les prêter aux. Attendez 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Alors, on va combler, bien sûr, on va discuter à la place de Gérard, si on est en train de taper la discute. Ça va bien, les auditeurs? Ouais, ça va d'enfer. Bah, Gérard est en train de draguer, ouais, voilà, en plus. C'est bon, Gérard? Non, mais tu me fais une. Non, mais putain, mais Gérard. D'accord? Allez, Gérard. Non, mais je demandais. Donc, on accueille Philippe Bouvard. Ah! Bouvard RTL, 101.9. Ah! On se calme. Alors là, hop, voilà, merci. C'est quoi ce travail? Philippe Bouvard, c'est une manière, c'est Cécile qui t'a pris au standard. Bon alors, Philippe Bouvard. Oui. Alors. Monsieur Cousin, bonjour. Non, monsieur Cousin, il est. Il est pas là. C'est ça, monsieur Cousin? Message, s'il te plaît. Allô? Merci. Pas de cousin ici. Monsieur Gérard C, qui nous envoie des questions. Non, je t'envoie rien du tout, Bouvard. Bon, déjà, vous allez me donner du monsieur Bouvard, quand même. Du monsieur, si je veux, d'accord. Son Altesse Philippe Bouvard. Monsieur le Monsieur Bouvard. Bonsoir, Monsieur Bouvard. Monsieur Bouvard, vous répondez à la question. Votre question que j'y réponde avec plaisir, allez-y. Vas-y, Gérard, posez la question. Est-ce que la jalousie pour vous? Sans gueuler. Bien écoutez, la jalousie est un sentiment. Putain! Je dirais, un sentiment honteux. Que nous éprouvons tous un moment ou un autre. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Merci, monsieur Bouvard. Jacques Longuepourré. J'ai déjà répondu, mais tu m'as coupé la parole. Tu m'écoutes. J'accueillais Philippe Bouvard, soi-disant. Je suis occupé à brancher la nénette. La nénette, tu permets. Allez, au standard. Alors, tu veux aller la revoir. Tu veux aller la revoir. Tu fermes ta gueule. Hop, au revoir. Longuepourré, Cécile. En attendant, on a plein de réactions. Ah, alors vas-y, donne. Non, attends. Ça, tu vas me le virer. Alors, l'érection, je veux les avoir tout de suite. Allez! L'érection, tu veux l'avoir tout de suite. Ah bon? Tu veux avoir l'érection tout de suite. Les réactions, pas l'érection! Christophe de Chavannes est en lui. Quoi, Christophe de Chavannes? Non, il n'existe pas. Je m'appelle pas Christophe de Chavannes. Bon, Gérard, le débat. Bon, alors, vas-y, les réactions. Alors, on nous dit qu'il faudrait que tu remettes un fil à ton micro. Parle devant ton micro. On nous dit qu'il faudrait que tu remettes un fil. Non, attends, parce que là, il y a un problème, là. Est-ce qu'il y a moyen de faire un débat, là? Ouais, bah, attends, laisse-le, s'il te plaît, merci. On attend, Philippe Bouvard, ta gueule. Merci. Réaction Internet. On nous dit qu'il faudrait que tu remettes un fil à ton micro, que ça serait plus facile pour aller le récupérer quand tu te le mets dans le cul. D'accord, ça, ouais. T'as voulu dire. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Gérard en polonais? Ça veut dire quoi? Gérard, bah Philippe. Gérard Philippe, ouais. Et sinon, on a encore beaucoup de réactions. Un auditeur, Laurent de Petit Guillaume, qui nous demande pourquoi. Pourquoi quoi? Ben pourquoi quand il sera décidé à répondre, il répondra. Vas-y, réponds à la question, Gérard. Ouais. Donc pourquoi? Moi, c'est par exemple quand il y a une meuf qui tourne autour d'un mec que tu kiffes, quoi. Ouais. Ça te fait pas plaisir, donc tu peux être jaloux. Okay. Par exemple, ton mec, il rentre chez toi le soir, il te raconte tout ce qu'il a fait dans la journée avec ses collègues féminines, ça t'énerve, quoi. Ouais, non, mais faut... T'as envie de lui prendre la tête et de l'éclater en deux, c'est bon. D'accord. Bah, de manière, faut dire une chose, qu'est-ce que la jalousie pour vous? Donc, on en a discuté tout à l'heure avec Max, on en a vaguement parlé comme ça en direct. Je t'ai trouvé brillant. Ah, parce que t'as écouté, de toute manière, t'as dit que tu voulais me parler en antenne, quoi. N'est-ce pas? Ouais, on va voir. Ça va être chaud. Non, mais c'est bon, derrière. Non, parce que de toute manière... les lines, ça fait des... Attends, tu recommences pas, quoi. Les lines, je veux pas. Hein. Non, mais attends, tu permets, s'il te plaît? Oh, tu dis bien mon nom, c'est tout. Les lines, c'est ouais. Ça? Ok. Donc, alors, qu'est-ce que la jalousie pour vous? Donc, en fin de compte, la jalousie, il faut bien se dire une chose, c'est que les mecs, les trois quarts du temps, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas jaloux de votre nana. Ça, et les nanas, vous êtes toutes pareilles. Vous êtes autant jaloux que nous. Alors, ne confrontez pas. Mais tu réponds pas à la question, là. Bah si. Bah non. Bah la jalousie, qu'est-ce que la jalousie pour vous? En fin de compte, vous êtes toutes jalouses. Parce qu'on a quelqu'un. Ouais. Et les nanas sont jalouses parce qu'elles ne peuvent pas nous avoir. Okay. C'est ça le problème. Oui, en l'occurrence, elles ne peuvent pas vous avoir. Ouais, mais merci Bouvard. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas dans la misère humaine, quoi. Ouais. Non, mais de toute manière, il y a certaines personnes qui ont des problèmes pour avoir des nanas. Non, mais pas comme moi. Attendez, s'il vous plaît. C'est pas parce que je fais de la radio que je peux me faire facilement des nanas, c'est faux. La preuve. Quand même, un petit peu quand même, Gérard. Qui Je prends quand même. Ah, vas-y, Gérard, laisse-moi. Attends, Pedro. Non, je disais peut-être non, la radio fait pas qu'aider parce que le physique compte un peu aussi. Non, non, de toute manière, c'est pas parce que... Non, mais de toute manière, ça, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu fais de la radio que tu peux automatiquement tomber amoureux de quelqu'un. C'est faux. Ouais. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça, faut bien. Non, non, mais il n'y a pas l'odeur. Alors, d'accord, monsieur... alors, attendez, attendez. Attendez, laissez-moi finir. Oui, mais Gérard. Oui, ça, assume c'est... ton succès, quand même. Que je comprends pas, toi, c'est que vraiment. Non, mais, de toute manière, j'assume mon succès. Ça fait deux semaines. Assume ta gueule aussi. Alors, toi, tu vas te enculer. Que je comprends pas, Jacques, l'employé, au revoir. Au revoir. Terminé. Gérard, je suis désolé, mais Jacques Langfourré, tu l'as déjà jeté? Non. Non, j'avais viré Boudin. On a une réaction. Oui, réaction. Alors, pseudo Actarus qui demande si on peut être jaloux d'un objet, parce que lui-même, il a divorcé avec sa femme, parce qu'il l'a retrouvé avec son astéroïde dans le cul. Attends, tu peux me redonner ton nom, s'il te plaît, à l'antenne? Esteban. Toi, je vais dire une chose, que c'est même pas la peine de lire tes sondages. Le sondage, c'est je pas un sondage, c'est une question. Non, mais la question que... Hey, c'est là que je la veux. Là, s'il te plaît. Bah, parce que je les prends pas là, je les recopie là. Non, mais même. Ça, c'est ce que tu viens de faire. Donc, c'est antique. Non. Non, mais c'est... Comment ? Je prendrais bien un corneau figure. Non, mais attendez. Le prochain. Attendez. Bien corneau fulgure. Attendez, je vous préviens d'une chose. Attendez, s'il vous plaît. C'est un coup de rétro à Nice. Je préviens d'une chose. Autolargue. Je préviens d'une chose. Bon, ça commence. Vous commencez comme ça. Je sens que le débarrassement se termine. Bon, l'auditeur qui a mis la musique derrière, qu'il arrête, c'est très bien. Merci. Tu avec Vénusia, toi. Comment? Voilà, ce que je te disais, c'est que je comprends pas, c'est que t'as une belle gueule, t'as une belle voix, t'es pas con, je comprends pas que tu te fasses pas des meufs, quoi. C'est faux. Qui parle? Bah, laisse-la. Bah, y'en a qu'une fille. Ouais, non, mais, faut vous dire une chose, que j'ai une belle gueule, j'ai une belle voix, et si j'ai pas de nana, c'est grâce aux nanas. Et Philippe Bouvard, tu fermes ta gueule. Mais tu oublies de dire que t'es pas con aussi. Eh ouais, mais malheureusement, c'est que vous les nanas. Mais attendez, les nanas, arrêtez de nous prendre pour des cons, ouais, d'accord? Mais non, mais c'est impressionnant. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On n'est pas des marionnettes, d'accord? On vous prend pas pour des marionnettes. Oh. On n'est pas du show business, d'accord? Merci. Pas entre nous. Merci. Voilà. Bonsoir Gérard. Gorbitchov. Oui, bonsoir, je viens d'arriver, c'est Gorbitchov. Donc tu veux répondre à la question? Oui, c'est 118-8 à Saint-Sulpice dans le Pont. Ouais, mais je m'en fous. Oui, moi je veux répondre à la question. J'étais tout à fait d'accord avec toi. Les femmes, elles nous prennent pour de la viande, et en fait, sous la viande, il y a un cœur. Non, mais de toute manière, attendez. On n'est pas que des sexes de 30 cm, je veux dire, il y a un petit cœur qui va. Non, mais attends. S'il vous plaît. Moi, je vais vous répondre. Ouais. Il y a des cœurs à prendre à l'heure actuelle sur la Terre. Il n'y a pas que ça à prendre. Hein. Mais il faut bien se dire une chose. Que ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de faire le premier pas. Pourquoi ? Ce n'est pas à nous, les hommes, de faire le premier pas. Parce que vous, les nanas, vous nous prenez pour des cons. Ouais, mais alors, les nanas, s'il te plaît, Esteban, l'internet, tu me coupes ton micro, merci. Je suis entièrement d'accord avec toi, Gérard, y'en a marre. C'est qui parle ? C'est Hippolyte, je suis entièrement d'accord avec toi. On est tous d'accord, il faut pas... Non, mais de toute manière, faut arrêter. Parce qu'on n'est pas une marionnette, nous. C'est quoi ? On est des êtres humains. Vous êtes... Il faut arrêter de jouer avec nous, les gars. Oh ! C'est pas possible. C'est moi qui parle. Laissez-moi finir. J'ai une question à poser, c'est Philippe Bouvard. Oh, putain ! Je voudrais savoir à partir de quel pourcentage de prothèses on se considère encore un être humain. Bouvard, au revoir. Ah, ça arrive. Merci. Philippe. Voilà. Alors, donc, je disais... Pour répondre à Gorbitchov, ouais. À Hippolyte, qui est toujours là, et Leslie. Ouais. Donc, ouais. Arrêtez de nous prendre pour des marionnettes. On n'est pas un jouet. Faut bien se dire une chose, on n'est pas un jouet. Vous n'êtes pas un jouet. Dans ces cas-là, arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais les meufs, elles peuvent dire pareil. Hein. Attends, dis-le, Gérard, qu'on n'est pas des objets sexuels quand même. Mais de toute manière, si on veut une nana, si on veut faire une vie, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour être heureux dans la vie. Mais pas nous emmerder. Bravo, GG, je tiens à dire aux femmes que si ça continue, il serait possible qu'on s'occupe plus d'elles et qu'on reste en train de. De toute manière, c'est qui? C'est Gorbatchev. Oui, mais de manière, mais écoute-moi. Entre nous, ouais. C'est tout. Non, mais de toute manière, ce qui va se produire un de ces quatre matins, bientôt. Ouais, un de ces quatre matins. Non, j'ai jamais dit un de ces quatre matins. Ça y est, quand même. Moi, je dis bien. Et ça, c'est la première question. Et on va continuer parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Il faut bien se dire une chose. C'est que les nanas, arrêtez de nous prendre pour des cons. On n'est pas des. Des meubles. Hein? On n'est pas des meubles. Alors, arrêtez de nous prendre pour des cons. Après, on discutera avec vous. Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce que les nanas, de toute manière, les nanas, vous êtes toutes pareilles. D'accord. Vous êtes toutes pareilles. Il y en a qu'une au standard. Hein? Mais de toute manière, vous êtes toutes pareilles. Vous êtes toutes pareilles. Vous êtes des siennes. Ouais, et vous n'êtes pas capables. Gérard, tu baisses. Vous n'êtes pas capables de nous dire. Bonsoir. Vous n'êtes pas capables de nous dire comment qu'on peut vous aider. Ouais. D'accord, on veut vous aider, on veut vous apporter ce que vous avez besoin. Ouais, Gérard, tu baisses. D'accord. Gérard, tu baisses beaucoup là. Ah, Gérard. T'as besoin de ces vidéos. Mais grave. Nous, on veut leur donner, quoi, en fait. On veut leur donner, et voilà, c'est tout. Ouais, mais de toute manière, elles ne veulent rien savoir, c'est tout. François Beyrouth. Oui, bonsoir, c'est François Beyrouth. Bonsoir, François. Bonsoir. Cécile. Oui. Cécile. Oui, Gérard. Non, attends, 5 minutes, tu me coupes les auditeurs, merci. Cécile. Oui. T'es bien gentille. Mais je te demande pas une feuille par auditeur comme ça. Je te demande. Gérard, tu verras ça pour moi. Non, t'es une salope. Comment? Ah, regardez. Attends, je peux entendre ce qu'on vient de dire? Oui, bien sûr, on va passer à la vidéo. Je me demandais si elle avait des clopes. Ah non, mais j'avais compris, une salope. Gérard, on va revenir au débat. Tu vas passer peut-être à la question suivante parce que ça fait 20 minutes que tu poses la même. Bah oui, mais de toute manière, je veux répondre. Allez, vas-y, réponds et on passe à la suivante. Alors. Non, mais ça y est, je viens de répondre. On n'est pas de la viande, on n'est pas de la viande. On n'est pas de la viande, donc. On n'est pas des meubles. Non, mais de toute manière, il faut bien se dire une chose. On n'a qu'une nana. Mais c'est bizarre. Au standard, Cécile. Oui, j'ai Est-ce que c'est possible d'avoir des réactions de plus de nanas que de mecs? J'ai une question pour toi, Gérard. Oui. Directement liée à la jalousie. On nous demande, par exemple, toi, Gérard, concernant la jalousie, si toi tu es jaloux quand on traite un autre mec de con. Alors, ce qu'il faut bien dire. Attends, tu fermes ta gueule. Merci. Gérard a raison. Merci. Donc, voilà. Donc, je réponds. Comme on a coupé les auditeurs. Vas-y. Donc alors, non, mais tu réponds pas en direct, tu laisses tomber. Donc je réponds à la personne. C'est qui cette personne? Céline Sebo Kelonex. Alors je lui réponds, on n'est pas des cons, mais il faut arrêter que les nanas croient qu'on est des cons. Qu'elles sont en fin de compte, croient. On croit. Ouais, croient. Bon. Quelle belle grenouille. Bon, Gérard, vas-y. Bon. Donc, pour arrêter de nous faire croire n'importe quoi. Non, croive. Non, mais il y a des nanas qui nous font croire n'importe quoi. Croive. Mais qu'elles arrêtent. Parce que, faut pas nous promettre la lune. On n'est pas des objets. Donc, arrêtez les nanas, s'il vous plaît. Ok, vous avez entendu le mot de Gérard. Bon, le mot de Gérard, on n'est pas des objets. Il l'a fait exprès en plus. Bon, Gérard, passe à la question suivante, il serait temps. Alors, pensez-vous que les femmes. Je voudrais dire qu'on m'accueille, je viens recentrer le débat là. François Beyrouth, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir François. Il m'a demandé la une quand même. Pas mal, un bon score. Comment... Bonsoir. Oui, je suis là, bonsoir. Eh, on parle pas de politique, le premier que j'entends parler de politique, je le vire. Rien à attends, c'est pas à moi. Non mais tu feras ça après, s'il te plaît. Ben putain, je mange à quelle heure? Tu mangeras pendant le bus. Vas-y, Gérard, pose la question suivante qu'on y aille. Comment? Gérard, vas-y, pose la question. Alors, Hippolyte, au revoir. Hop. Hippolyte, au revoir. Alors, Hippolyte, et vas-y, pose ta question maintenant. Alors, pensez-vous que les femmes posent plus de lapins que les hommes? On va demander à François Beyrouth. C'est assez mitigé comme bilan. Il faut savoir que, bon, c'est vrai que les femmes, quand même, de par leur pulsion sexuelle, sont plus propices à poser des lapins que les hommes. Mmh. Comme les hommes, c'est vrai qu'on est un petit peu plus romantique, on a ses fleurs bleues, on adore cuisiner, faire le ménage. Non, mais c'est bon. On n'est pas pareil, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. Gorbit et Bitsov. Bah, je suis d'accord, c'est vrai qu'on est fleurs bleues, on est feuilles de rose, tout ça, nous sommes les mecs. On est des romantiques, c'est clair. Et puis ouais, non, voilà, je pense que comme disait l'analyste qui vient de s'exprimer, les femmes, enfin nous on est plus dans l'abstention au niveau de ce genre de trucs, quoi, en fait. Ok. Les slides. Alors c'est quoi, ils vont faire chier les deux autres, ils restent, parce que c'est pas du tout ça, en fait, c'est les filles les fleurs bleues. Je crois qu'il n'y en a aucune qui se permettrait ça, quoi. Tous les mecs, vous êtes des gros salauds. Et la billette. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, tu peux pas. S'il vous plaît. Non, mais attendez. Oh, tu peux. On a Jean-Pierre Gaillard qui nous dit que l'action Vivanti Universal est en baisse de 37%. Ah. On s'en fout, la politique, je veux. Et Carl Dumestre est arrivé premier, mais il y a photo. C'était non, mais c'est bon, on n'en a rien à foutre. Des trucs comme ça, je m'en bats les cacahuètes. Non, mais je m'en fous. Ouais. Est-ce que toi tu peux répondre? Est-ce que toi t'as eu plus de lapins par des filles ou par des garçons? Non, mais on. Dans ta vie. Cécile, attends, tu permets? On va faire ça à Marseille demain. Cécile? Oui, Gérard. J'ai demandé des nanas, pas des mecs. Oui, je suis désolée, mais les filles n'ont pas en force. Alors, les filles, je vous demande de vous mobiliser. Parce que là, le standard. Il explose. Vous appelez, s'il vous plaît. Hey, prends des appels et reste pas 3 heures au téléphone parce que ça fait déjà un quart d'heure que je te vois et voilà. Tu restes constamment avec la même personne. Ah non, on est tous pour changer, Gérard. Ouais, non, mais on accueille un Fino. Salut, Gérard. Salut, Fino. Hey, c'est son... Salut, Fino. Fino. Cécile. J'adore ce que tu fais, Fino. Cécile. Oui, Gérard. 101.9, ça a retrouvé. Oh, excuse-moi. T'as la musique? Hein? Je kiffe ta truc. 101.9. Allez, Gérard. Tu réponds à la question, s'il te plaît, merci. Laquelle question, Gérard? Pensez-vous que les femmes posent plus de lapins que les hommes? Oui, c'est des sales races, c'est des chiennes. Wow. Putain, mais attends, je peux pas... Laisse-la. Attendez, laisse-la. Quoi? Laisse tomber, je vais vous défendre. Ouais, parce que moi, je cautionne pas, il y a des filles... Je vais défendre le sexe féminin. Donc, Fino, tu réponds. Et après, je vais m'occuper de... Après, tu le tais, je dis. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Il n'y a pas de problème pour ça, Leslie. Tu déchires. Non, tu fermes ta gueule. Elles sont beaucoup trop avec nous, les filles. C'est pas normal. Il faut qu'elles arrêtent de nous prendre pour des objets, comme tu disais tout à l'heure. Et oui, je dis que oui, elles nous posent beaucoup trop de lapins. Alors, faut bien se dire une chose. Oui, maintenant que t'as répondu à la question, oui. Tu dis que c'est les nanas qui nous posent plus de lapins que les mecs. Alors moi, je vais te dire que c'est faux. Oui, et pourquoi? Parce que c'est 50-50. Exact. Yes. Il y a autant de mecs que de nanas qui nous posent des lapins. Non, mais attends, c'est 60-50. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il y a 50-50. Laisse-moi aller. Ils vont se taire. Non, tu permets? Donc c'est 50-50. Et pour bien vous dire une chose dans la tête... Nous, les hommes, on est là pour donner du bonheur aux femmes. Les femmes, attendez, les femmes... Une bonne petite, là, ça te donne pas du bonheur. Les femmes sont là pour nous donner de l'affection, de la tendresse, des câlins. D'accord? Nous, on est là pour leur donner ce qu'elles ont besoin. Du plaisir. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut bien se dire dans sa tête, hein, on est jeune. Tout le monde a besoin de quelqu'un dans sa vie. Je suis sûr que Gérard, t'es comme moi, tu offres sans problème une demi-heure de cunnilingus à toutes les filles que tu rencontres. Alors, je vais te dire une chose. Gérard, un point sur le nerf, ça, parce qu'on vient de passer une limite. On est à 9998. Ce qui est dommage, parce qu'à deux près, on passait les 20 000. Ah oui, c'est clair, ouais. 9998 plus 2 dit 20 000. Attends, t'es sûr de 9998 à deux près, on passait les 20 000. Bah ouais, c'est pas calculé. J'ai fait maths, c'est rare et c'est ça. C'est ça. Chez moi, c'est 10 000, hein. C'est pas, c'est pas 20 000. C'est pour voir si tu suivais le débat. Déjà, je vais brancher mon minitel. Donc, je réponds. Je réponds à la personne là qui a voulu. J'avais quand même un truc internet. Hein. Oui. Question de Hannibal Lecter. Non, non, mais attends, quand est-ce que tu peux lui bouffer le cul? Non, non, alors là, je vais te dire une chose. C'est pas des trucs internet. Ton papier, tu me le fous à la poubelle. D'accord? Des fèves au beurre. Parce que là. Oui, oui, on va mettre un disque après. Bon, on vous avez le débat là? Non mais, Leslie. Attendez, s'il vous plaît, laissez parler Leslie. Merci. Je voulais savoir si un jour, on dirait que, je sais pas, dans jusqu'à 4-5 ans, bon, tu trouves pas de meuf. Mm-hmm. Est-ce que, par exemple, t'envisagerais de devenir hétéro? Non. Non, possible. Non, jamais. T'as bien raison. J'ai c'est Gorbitchev. Je te repose la question de tout à l'heure, tu m'as pas répondu. Est-ce que toi, t'as pris plus de râteaux par des hommes ou par des femmes, toi? J'ai pris plus de râteaux par un chien. Par des nanas que par des mecs, d'accord? T'en as pris par des mecs? D'accord? T'en as pris par des mecs? Tu serais jaloux, Gérard, tu serais jaloux de voir ton mec. Non, mais tu serais jaloux. Ça t'exciterait? Non, mais de manière. C'est un mec qui te mettait un râteau, en fait. Et mon poing dans ta gueule, toi. Ou une pelle ou un truc comme ça. Non, mais Gérard, t'as dit que tu t'étais pris plus de râteaux par les nanas que par les mecs. Fino et Gorbatchev. Et. Ah non, c'est pas moi, c'est pas Fino, hein. François, au revoir. Désolé, mon pote. Merci. On baisse, hein, Gérard, on baisse. Hein. On est à 5111. Gérard, de toute manière, il faut bien dire une chose, que je réponds à la question de Leslie. Qu'il faut bien se dire une chose, qu'en fin de compte, c'est pas nous qui posons plus de lapins, c'est vous les nanas. C'est ce que je disais, c'est donc bien 60-50. Donc, oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. On est à 50-50. Mais faut pas tout le monde. 60-50 plus les filles. Non, faut pas dire que c'est les nanas, parce qu'en fin de compte, non. Attendez, faut bien se dire une chose, que nous, quand on donne des rendez-vous, on est à l'heure. Voilà. Les nanas ne sont pas. Quand on donne des rendez-vous, on n'y va pas, c'est tout. Voilà. Donc, vous nous posez des lapins. Ah, mais c'est alors, pour éviter d'arriver en retard. Oui. Mais alors, pourquoi que vous nous posez des lapins quand on vous donne des rendez-vous? C'est peut-être parce qu'on alors, maintenant, attendez. C'est à cause de ton physique. S'il vous plaît. Gérard, on nous pose une question standard. Les drag queens, c'est dans le quoi? C'est dans les 50 ou 60 pour les lapins? Ça, c'est dans les tableaux, j'en ai rien à foutre. Ouais, ils poussent pas de lapins alors? Encore pénicien. Bonsoir. Il y a maître Capello qui demande si t'es fâché avec les voyelles. Alors, je vais te dire une chose. Tu commences pas. Quoi? Hein, il est déjà 1h02. On va faire une pause. Tu vas m'arrêter ton bordel de merde et tu vas me prendre des gens sur le net qui ont un rapport avec le débat. Donc, je réponds. Pénicien. Bonsoir Gérard. Comme par hasard, encore toi. J'appelle de Festa Ilagnol, toujours. Ah ouais. Ouais, encore toi, comme par hasard, t'étais là. J'ai tellement aimé ton débat sur la chirurgie esthétique. Ouais, ouais. Je me suis dit, pourquoi pas débattre avec toi? Chirurgie néphrétique. Alors maintenant tu vas te taire. Ben, très bien. Il y en a une qui va pouvoir ouvrir un peu son bec pour savoir si elle est d'accord avec moi. Ouais, sur les 50, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Ouais. D'accord. Ouais, donc, là, et... on va. Pénitien, tu la perds. Ah non, c'est pas pénitien. Hein. Regarde, c'est pas la même voix. 1, 2. Bonsoir. Ouais, bah tu fermes ta gueule. Ouais. Parce que je t'ai reconnu, d'accord. Non, merci. J'ai cru comprendre que tu voulais que je te réponde. C'est ça, on va aller plus vite là. Non mais toi, Leslie. Ouais. Et on va demander à raccrocher le téléphone 5 minutes. Et entre toi, Leslie, plus. Cécile qui est au standard. Ouais, moi je l'appelle Céline si ça te gêne pas. Ouais, bah Céline ou Cécile, je m'en fous. De toute manière, Chantal Goya qui nous dit que ce matin elle s'est pris un lapin par un chasseur. Ouais, et la même soeur dans la culotte d'un soir. Et la riche. Yeah. Et tu sais, un lapin. Connard sur le net, c'est bon. Alors, Cécile. Oui. Oui, Gérard. Donc, avec les sailles, vous allez nous répondre à la question. Oui. Est-ce que c'est vous ou nous qui vous plongeons plus de lapins? Donc, je vous laisse toutes les deux hors antenne, discuter. Gérard, c'est un débat à l'antenne, s'il te plaît. Ouais, non, mais. C'est pas un débat hors antenne, on fait autre chose, hein. Non, mais c'est bon, ça y est. Non, mais Gérard, elle était vraiment bonne, hein. Tu mettrais bien une cartouche. Quel troublion. Hé toi, je t'ai envoyé chez Evan tout à l'heure, hein. D'accord. Ah, c'était drôle. Tu vas aller voir Evan. On dirait Laurent Broumède. Elle a fait une niasse d'Evan, là. Gérard, on en a le débat. Donc, je demande à Lestagne et à Cécile de répondre à la question. Même les mecs, si vous voulez répondre, n'hésitez pas de poser une question. Vous répondrons et moi, je répondrai. Si on veut répondre, on n'hésite pas à poser une question, promis. Okay, Gérard. Il est quelle heure, Céline, s'il te plaît? Non, tu fermes ta gueule, tu ne demandes pas quelle heure il est. Carlan Dumestre est effectivement arrivé premier. Il n'y a pas photo. Merci. Ça, on en a rien à foutre. La politique, j'en fais pas, d'accord? Les Red Breast, c'est les chevaux. On s'en fout! Pas ceux qui aiment les chevaux. Allez, hop! Stop! Stop! Hop, merci. Cécile, tu coupes ton micro. Cécile, coupe ton micro. Bon, Gérard. Ouais, toi, tu vas l'ouvrir. Toi, tu vas ouvrir ton micro. C'est la dernière fois que je te le dis. Les questions cons. Et déjà, ça. Il va t'en foutre une, c'est gaffe. Si on veut pas, maintenant c'est là qu'on travaille. D'accord? Bon, Gérard. Tu crois avec ça? Appelle si tu veux. Ok. Non, je. Le dernier qui m'a parlé comme ça, il m'a pris comme une chaîne. Ouais, mais. Et de la révélation, hein. Non, mais moi, il y en a une qui a voulu jouer au con, elle s'est pris deux claques dans sa gueule. D'accord? Je crois qu'elle a perdu avec toi. Ouais, mais moi, je connais hyper bien le directeur d'antenne et si tu veux. Si tu veux. Si tu veux, tu demandes à Max qui me vire, ok? Gérard, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire ta loi dans mes débats, tu le dis. Tu prends ta loi. Si tu veux faire la loi, dans ce cas-là, je te donne. Je te donne le Gérard, Gérard, je t'aime bien. C'est ça qui est dommage, c'est parce que je t'aime bien en plus. Non, mais il y a un truc qu'il faut se dire. C'est moi qui commande. Bon, Gérard, donc, le débat. Le débat, c'est moi qui le fais. Donc, je ne veux pas des questions comme tu viens de nous sortir. Bon, continue, d'accord. On était avec Leslie, vas-y. Alors, Leslie, c'est Cécile. Donc, pour vous, pensez-vous que les femmes posent plus de lapins que les hommes? Donc, Cécile. Oui, Gérard, moi, je pense comme toi. Je pense que c'est 50-50 et qu'on est tous pour quelque chose. Ah, donc, vous reconnaissez attends, les slides. Les slides. Ouais, c'est pareil. Écoute, moi, j'en ai posé aussi, hein, je l'avoue. Mmh. Hein, mais bon, ça, quand tu vois, enfin, quand t'arrives et que tu vois la gueule du mec, tu dis, c'est pas possible, quoi. Donc, alors, en fin de compte, Cécile, tu peux rallumer ton micro, il n'y a pas de problème, de toute manière, même qu'il y a des auditeurs. Donc, vous voyez, en fin de compte, ce que je voulais dire, ouais. Donc, vous voyez, qu'en fin de compte, on a deux filles quand même, une fille au standard, une fille à l'antenne. Ouais. Hein? Donc, en fin de compte, elles reconnaissent que c'est 50-50. Mm-hmm. Donc, vous voyez donc, non, mais ce qu'il faut se dire... On a bien fait passer un quart d'heure. Non, mais ce qu'il faut dire, en fin de compte, c'est nous qui en prenons plus. Ah, voilà, parce qu'elles attendent que c'est 50-50, c'est le... Oui. Genre, est-ce que c'était déjà... C'est pénitien, une question de pénitien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de poser des râteaux à une fille? Non, jamais. Non, mais de toute manière, même que j'arrive peut-être un quart d'heure ou une demi-heure en retard, c'est vrai que de toute manière, en principe, c'est rare que je suis rarement arrivé à la bourre sur le truc. Quand t'en tiens une, tu la lâches pas, quoi. Faut bien se dire une chose, et ça, le problème est là, c'est qu'en fin de compte, quand une nana nous donne un rendez-vous, ouais, en principe... Pas. C'est le mec qui arrive toujours un petit peu avant. Ouais, attends, Gégé, tu donnes des rendez-vous plutôt en plein air ou à l'intérieur, dans des restos, dans des trucs plutôt dehors? Non, je donne toujours en plein air. Ouais. Voilà. Bon, alors, stop, terminé. On n'en parle plus. On a juste une question qui est sérieuse. On te demande la différence entre jalousie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, entre jalousie et possessivité. Ah, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est les nanas. Il y a des nanas qui sont trop jalouses. Nous, on est trop possessifs. Donc, faut pas confondre. La jalousie, on est jaloux, on est possessif. Ouais, mais il demande où est l'ambiguïté. Et il y a le mauvais chasseur. Voilà. La même chose. Voilà, c'est pas tout. Confondre. Voilà. D'accord. Faut pas confondre ton titule et encule ta sœur. Exactement. Attends, voilà. Okay. Encule ta tante. Ta sœur. Non. Gérard, pose ta question. C'est drôle avec ta sœur. Merci. Bon, Gérard, pose ta question suivante. On va écouter un peu de musique et on va revenir. Alors, la question. Merci de... Ah non, je croyais qu'il était coupé mon micro. Non, mais il n'est pas coupé. Alors, y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement? Alors, je précise. Y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement? Donc, lettre, net et vice-versa. Donc, on se retrouve tout de suite au... On écoute pas. Et on va s'écouter, ben, au pays de Candide, Babar. A tout de suite au 0825, 0800, 5000. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique, derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Oh putain, mais attends, mais grave. Et voilà, donc, toujours la suite du débat de Gérard. Donc, alors, sur le net, nous sommes... Tu veux un point ? Voilà, un petit point quand même sur l'Internet. Alors, le point de l'Internet, nous sommes actuellement à 5193. 5193. C'est beaucoup moins que la dernière. Ouais, c'est mieux que moi. Les gens disent que tu parles trop de ton expérience personnelle, tu ne recentres pas le débat. Voilà, en gros, c'est les questions. Non, mais faut bien se dire une chose. Il faut bien que je réponde quand même aussi aux auditeurs. Internautes. Hein? Aux auditeurs internautes. Donc, sur le net, et quand même ceux qui nous appellent. Donc, on t'as pas répondu. Et t'as pas répondu à la question. Bah, de quoi? Bah, la question qui te demande si toi-même, t'avais déjà vécu une jalousie profonde avec quelqu'un de Gironde. De Gironde. J'ai jamais eu quelqu'un de Gironde. Bon, ben, je lui réponds, c'est un con, alors. Voilà, tu réponds pas et c'est tout. Bah, allez, Gérard, je crois qu'il y avait quelque chose à faire avant. Donc on venait de s'écouter au pays de Babar de Candy. Au pays de Candy avec de Babar. Voilà. Alors, question. Un petit point sur sondage. Donc, pourquoi la jalousie est-elle une perte de couple? Ah, pour le couple. Alors, 85%, ça coûte cher en vaisselle. Ben ça, c'est vrai, parce que quand les nanas nous cassent la vaisselle... Ah bon, Faut pas dire que toujours les mecs... Hein, Cécile? Cécile? Oui, Gérard. Hein? Vous savez casser la vaisselle? Mm-hmm. Hein? Vous savez la faire, mais en cassant les verres. Il y a d'autres chiffres, Gérard, vas-y. Donc, 51%, on préfère le jacuzzi que la jalousie, je vois pas le rapport. Ouais. 29%, combien ça coûte de se refaire faire le nez? Alors ça, hop, terminé. On va s'arrêter là. Les gens sont où, hein? 12% à cause des cheveux blancs. Bah ça, de toute manière, tout le monde a des cheveux blancs. Des cheveux gras, par exemple. Blanc, connard. Gras. Alors, Fino et Pénétien, au revoir. Au revoir. Qui dit qui te déchirerait bien le stream. Gargamel, il va se faire enculer, il va rester avec ses strompes, pas. Il va pas me casser le cul, voilà. Pas comme d'habitude. Alors, 5%, mon mari vient de me quitter. Vous êtes cruel. Alors là, je ne comprends pas. 5%, mon mari vient de me quitter, vous êtes cruel. Alors, faut bien se dire une chose. Déjà, ouais. Je vais répondre à ce sondage de 5% de mon mari vient de quitter. Vous êtes cruel. Donc, en fin de compte, ce n'est pas nous qui vous quittons. C'est vous. C'est vous, en fin de compte, c'est vous qui nous laissez tomber. Oui. C'est vous qui demandez le divorce à 50-50. Vous voulez... Mais attends, laisse-l'aille. Attends, tu dis n'importe quoi, là. C'est quoi? Alors, attends, la question, on y va tout de suite. La question, est-ce que pour vous, la jalousie des parents entre eux peut-elle perturber la vie des enfants s'il y en a? Vas-y. Je comprends rien au cœur. Vas-y, repose la question. Est-ce que la jalousie des parents entre eux peut-elle perturber la vie? Peut-elle perturber la vie des enfants s'il y en a? Donc on va revenir sur les 5% qui disent que mon mari vient de me quitter. Vous êtes cruel. Alors là, faut bien se dire une chose. Qui c'est que j'ai? Il y a Gorbitchov, toujours. Gorbitchov. Ouais. Bonsoir, Gorbitchov. Bonsoir. L'Estagne. Ouais. L'Estagne est... Et maintenant... tu peux... Merci. T'attends ton micro si ça te dérange pas. Bah, je parle pas. Merci. Allez, Gérard. Alors, on accueille... L'Estagne, Gorbatchev, Laurent Ruquier. Bonsoir, c'est... Ah non! C'est Laurent Ruquier. Ah non! Bah quoi? Bon, Gérard, vas-y. Eh, monsieur Mazur, je vous préviens, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Non, mais monsieur Mazur, attendez. Monsieur Mazur, c'est moi qui commande. Monsieur Mazur. Bonsoir. Monsieur Mazur. Écoute, je suis tout oui. Alors, je vous préviens, vous commencez pas comme ça. Mais comment? Parce que je vous préviens d'une chose. Expliquez-vous une chose. Que je veux bien que vous participez dans les débats, mais... Dans le calme. Vous éternisez pas sur les questions, ok? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Au demandeur, merci. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir. Alors, la question, est-ce que la jalousie des parents entre eux peut perturber la vie des enfants s'il y en a? Donc, c'est pour répondre à 5%, du pourcent de la jalousie. Mon mari vient de m'écouter. Vous êtes cruel. Alors, les canards, c'est bon. Que tu arrêtes. Et c'est bon. D'accord. C'est le premier tour. Bon, alors, je préviens d'une chose. Tu te mets dans ton cul, les canards. Et ta mère, je vais t'enculer, ok? Oh là, chaud. Alors, Gorbitchov, au revoir. De crado cousin. Ta gueule. Ta mère, elle va se faire enculer aussi, toi. Oh là là, et tu peux tout respecter avec les mères, quand même. Maintenant, tu n'occupes pas la tienne. Ok. Alors, pour l'instant, c'est moi qui commande. Ouais, mais t'as pas insulté les mères. C'est moi qui commande. De manière, ce n'est pas notre famille, d'accord? Alors, vous n'allez pas me casser les couilles. Et alors? Vous savez pas me casser les couilles. Non, mais on voit qu'il y a bien une chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Moi, dans notre famille, vous l'oubliez. Et si j'entends encore ça, ça va mal se terminer, ok? Mais t'oublies la famille des autres aussi, t'as pas... Ouais, mais attends, je respecte les gens, non, d'accord? Mais faut respecter celui qui vous pose la question, ça d'accord? Sa mère, respect total, ça. Sur une radio. Comment? Respect total. Bah allez, enquille ta question. Vas-y, enquille ta question, ouais, vas-y. Alors, les slimes, pour toi. Les parents, j'ai rien compris à ta question. Tu pouvais m'expliquer. Alors, est-ce que la jalousie des parents entre eux, entre le mari et la femme, ouais, peut perturber la vie des enfants s'il y en a une? S'il y en a une quoi? S'il y en a. D'accord. Les questions bah, des enfants. Des enfants. Mmh. Et on accueille Bruns Connard. Bonsoir, c'est Berlus Connard. Bonsoir, monsieur Connard. Bonsoir, j'appelle de Lâche-la-Purée sur Yvette, j'ai 32 ans et c'est 117.7 FM. Non, ce sont 1.9, connard. Ah, pardon, 1.9, tu as raison. Bon, arrête de donner leur nom de famille, vas-y. Bonsoir, connard. Bonsoir, c'est Berlus Connard. Bonsoir, monsieur Connard. Bonsoir, tout le monde. Ça y est. Bonsoir, les connards. Donc, les slides. Ouais. Donc, alors, t'as bien compris la question. Alors, attends, par rapport aux 5%. Mon mari vient de me quitter. Ton mari vient de te quitter? Ouais. Non, mon mari vient de me quitter, donc je parle pour les nanas. Ah ouais. Oh, mais merde! Vous allez... Laissez-le enchaîner. Il a que ça dans la vie. Il faut te sentir le cul, bon. Alors. Laissez-le, ça. Allez, hop! On passe à la question suivante, comme ça vous allez comprendre comment ça va faire. Attends Gérard, j'ai voulu répondre, c'est Berlusconi. Non, non, tu réponds pas à celle-là. Mais non, mais si t'as compris la Gérard, les sondages. Non, non, les sondages, je les finirai tout à l'heure. Alors la question c'était, y a plus, y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement, net, oula. Et vice versa. Ouais. L'alcool c'est un fléau. Ouais. Non, non, mais quand les bandes d'abrutis arrêteront de se prendre pour des gaillards au téléphone, Anthony, Arnett, Tony, Arnett et Golgo. Je vous ai reconnu. Et les slangs, tu t'appelles pas les slangs, c'est Megan, d'accord. Qu'est-ce que tu dis là? Parce que t'as même pas confiance en des auditeurs, c'est pas bien. Non, non, mais que merde, je vous ai reconnu. Ils sont morts. Alors arrêtez, je vous ai reconnu depuis la semaine dernière. Arrêtez de m'en prendre pour un con. Arrêtez. Je m'appelle Jean Berlusconi. Ouais, c'est ça, ta mère va se faire enculer. Alors tu dégages, terminé. Allez, tous les habituels dehors. Les habituels dehors. Il y a Goldberg qui demande si t'as été jaloux des autoroutes, Gérard, lorsque t'as vu Sandy se faire enculer par un routier. Mais je sais pas qui c'est. Merci, je t'avais bien précisé que je voulais pas entendre ces questions-là. Merci d'avance sur le net. Et toi, tu es encore plus con que ceux qui posent des questions. Alors, Cécile. J'ai pas compris. Cécile. Moi non plus. Oui, Gérard. Faut bien se dire une chose. Oui. Que tous ceux que je viens de virer, ouais, c'est les habituels. Je ne les veux pas. D'accord, Gérard. Non, mais ça fait. On va remettre un disque, non, là c'est tout. Non, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de disque, Gérard. Si, il y a un disque. Non, il n'y en a pas. Il y a un disque. Il n'y a pas de disque, Gérard. Si, ils ont 212 hein, sur le net, 212. Mais je m'en fous. Non, Gérard, il n'y a pas de disque. Il y a un disque. Gérard. Il y a un disque et c'est tout. Merci. Et putain, vous n'allez pas me casser les couilles encore. Tu veux qu'on chante? Max, on chante, Pedro. On a plus qu'à faire. Vous arrêtez, s'il vous plaît. On a pas le choix, il faut chanter. Terminé. La musique. Amène-nous à l'entrée. Oh, oui. Terminé. La musique. Ah, mais Charles. Mais tu vas trop loin, après. Hé, hey, t'arrêtes un peu. T'arrêtes tes conneries. D'accord. On met un disque. Maintenant, vous, on me reprenez tout le monde. Vous me remettez des nouveaux et pas les habituels. Allez les avoir maintenant. C'est bon, c'est calme. Hein? Parce que Goldo, Arnett et tout ça, je n'en veux pas. Les slimes, tu sais ce qui c'était? Non. C'était Mégane. Non. Si, c'était Mégane. On nous demande c'est les Italiennes. Non, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Si, on va revenir sur le débat maintenant. Est-ce que les Italiennes, à ton avis, sont plus jalouses que les autres? Sur les autres, oui. En moyenne Europe. En moyenne, oui. Nationalité, ouais. Par contre, tu me prends du monde et des nanas. Parce que là, vous savez, ça commence à bien faire, hein. Alors, tu mets un disque. Non, mais pas... Si. Mais attends, mais j'ai personne. Sur le net, là, on est remonté. Depuis que Gérard a situé un peu le débat, on est remonté. On est passé de 212 à 7116. Voilà. Gérard. Et 110. Et là, faut bien dire une chose. Que là, je réponds à toutes les questions qu'on me pose. Alors, l'Eslagne est toujours là? L'Eslagne! Elle est partie, Gérard. Ah, on accueille Sabrina. Bah, tu veux plus lui parler? Non, non, bah, attends. L'Eslagne. Sabrina, pardon. Sabrina. Autant pour moi. Sabrina. Bonsoir. Bonsoir, c'est longtemps que j'attends. Je suis contente de te parler. Ah, ben, bah, merci. T'appelles d'où? J'appelle du Havre. Bah, de toute manière, je vais avoir ta fiche tout à l'heure. 78. Ok. Tu vas bien ? Voilà. Oui, merci. Et toi ? Ça va. Donc, t'as compris la question ? Non, c'était un peu de bruit, là, quand même, entre les deux. Non, non, mais de toute manière, j'ai viré tous les habituels, parce que c'était les habituels, donc je les avais reconnus. Et déjà, la semaine dernière, c'était pareil. Alors, y a-t-il plus de lapins par téléphone ? Autrement, alors c'est-à-dire les lettres, le net et vive voix par exemple par téléphone, tu vois. Bah ouais, parce que bon, c'est quand même plus facile de poser un lapin au téléphone par exemple, plutôt que d'aller voir la personne et lui dire bah excuse-moi mais je te pose un lapin quoi, tu vois. Non mais... La démarche d'aller lui dire c'est que déjà tu vas le voir donc tu lui poses pas vraiment un lapin. Joseph. Bonsoir. Joseph 101.9 de Bourg-le-Roi. Bonsoir, c'est Joseph Stallone, Bourg-le-Roi, 101.9. Bonsoir Joseph. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux répéter la question? S'il te plaît. Tu commences pas à dire, tu peux répéter. D'accord. La question c'est, y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement? Alors je précise, lettre, lettre et vive voix. D'accord, bah, moi je suis d'origine russe. Nous on fonctionne encore un petit peu avec le télégramme. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le télégramme. Non, je ne connais pas. Moi je me souviens. Attends, 5 minutes, 5 minutes, Joseph. Oui. On accueille Polo. Oui, bonsoir, c'est Polo. Non, Cécile. Cécile, s'il te plaît. Oui, Gérard. Là, je te dis une chose. Ce n'est pas la peine de les reprendre et de les faire passer sous d'autres noms. Je vais rien avoir. Mais alors, ils étaient non, non, non, à non. Ah non, mais il a reconnu l'écriture. Il a reconnu l'écriture. Eh oui, je suis désolé. Ça fait longtemps qu'on attend. Non, non, mais je sais pas, Gérard. C'est un pro de la radio. Non, mais de toute manière, il faut bien se dire une chose. Arrêtez de me prendre pour des cons. D'accord, Joseph. D'accord, Joseph et d'accord, Polo. Ah, pas du tout, hein. Je sais. Non. C'est le droit de vivre, Gérard. Non. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, je vous ai reconnu, d'accord. J'ai appelé pendant une heure. Ouais, c'est ça. Et là, même ma soeur, dans un culotte d'azur, tu l'as appelé. C'est vrai, ouais. Avant. Non. Non, Sabrina, s'il te plaît. Sabrina. Oui. Sabrina. Oui. Ne les défends pas. Mais je les défends parce pas. Parce que je les reconnais. Ils sont. Ça mais peut déjà. Ta gueule. Tu t'appelles Tony et Arnett. Dégage. Dégagez. Hop, terminé. Hop, le boum boum. C'est le boum boum. Au revoir, Joseph et Polo. Je veux pas. C'est pas possible, on peut pas faire un débat. Les habituels, c'est bon. Gérard, ok, on va couper tout le monde deux secondes. Gérard. Alors, on se met à 10. Non, on va peut-être revenir un peu sur le débat. Tu vas reposer ta question, tu vas y répondre toi et tu vas récupérer les gens et ensuite tu vas leur demander, ok? Non, mais on a personne. On a que Sabrina. T'as posé une question. Alors, y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement? Alors, vu que les gens, a priori, n'ont pas l'air de la comprendre, tu vas répondre toi, et comme ça, ils vont répondre après. Alors, vas-y. La réponse, c'est y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement, net et vice-bois. Donc, là, je réponds à la question comme Pedro vient de me le demander. Mm-hmm. En fin de compte, toi, tu fermes ta gueule, je t'ai dit au revoir. Patrick, pardon. Patrick Dur. Oui. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Ouais, c'est Patrick. Bonsoir, Patrick. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Allô, Patrick. Bonsoir, Patrick. 98-16. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Non, mais là, je crois que je ne vais pas continuer le débat comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas continuer, Cécile. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Gérard, crois-moi, c'est vraiment des auditeurs qui m'ont appelé. Nouveau, nous. Attends, tu permets? Oui. Hey, je me lève. Et je te bouscule. Je vais te dire une chose. Il y a toutes les lignes qui sonnent et apparemment, vous prenez personne derrière. Gérard. Qu'est-ce qu'il fait, Gérard? Oui, ils sont en train de rappeler des gens. Gérard. Une fille au téléphone. Ah ben, prenez-moi des filles parce que les mecs. Gérard, réponds à ta question et on s'y prend déjà. Donc, la question, c'est y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement, c'est-à-dire lettre, net et vivois. Alors, donc, il y a Patrick Dur et Sabrina. Ouais. Les autres, je leur ai dit au revoir. Hein. Non, on est toujours là, Joseph Stallone. J'ai dit... Révolutionnaire bolchevique. Mais les immigrés, ils ont pas la parole, quand même, que je Cécile. Mais c'est bien quand il y a des garçons. Mais Gérard, je suis un peu jalouse. Tu nous boycottes parce qu'on a un accent, en fait. Tu nous boycottes parce qu'on a un petit... Ta gueule ! C'est pas bien en ce moment. Attends, je vais te dire une chose, toi. Vas-y, tu vas la fermer ta gueule. Okay. Et maintenant, je te dis au revoir. Non. On lui dit au revoir. Ok, au revoir, terminé. Pas d'accord. Alors, Bon, Gérard, t'as toujours pas répondu à ta question, alors vas-y. Donc, la question. T'es tout seul, y a plus personne, t'es tout seul, alors vas-y. Y a Sabrina. Bon, tu la veux, Sabrina? Sabrina va répondre. En attendant qu'on aille une autre fille. Sabrina. Sabrina. Ok, elle est plus là, donc vas-y, réponds-toi. Oui. Ah ben elle est là. Ah bah si, elle est là. Sabrina. Ta question, c'était quoi déjà? Bon, attends, tu viens de l'entendre. Non, j'ai eu un big bip, j'ai... Alors, y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement, lettre et net Et puis voilà. Je t'ai dit tout à l'heure que valait mieux le faire par derrière, quoi, parce que bon, c'est quand même un acte assez lâche. Mmh. Moi, je me vois pas aller voir quelqu'un pour lui dire, ben voilà, je viens, mais en fait, je te pose un lapin, j'en suis pas, quoi. Non, mais alors ouais. Donc, toi, par courrier, tu serais pas d'accord, non, ni par téléphone. Un texto, un mail, un coup de fil, hop, non, bah désolé, finalement, non, quoi. Donc, même par vive voix, tu serais pas capable. Non, pas capable. Je mais suis... pourquoi? Parce que j'oserais pas le regarder dans les yeux pour lui dire, quoi. Donc si je viens, c'est que je viens vraiment et je vais juste au bout, quoi. Et par exemple, si la personne, ça fait, admettons, 4 ou 5 ans que t'es avec la même personne, ouais. tu serais capable de lui dire en face? De quoi? Un lapin? Oui. Mais tu peux me dire ce que tu veux dire par le lapin? Parce que j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose, là. Non, mais posez, y a-t-il plus de lapins? Ouais. Attends, on accueille Marie, 22 ans de Paris 101.9. Salut Marie, salut. Il y a juste notre Christine Bouquetin qui demande si tu préfères pas aux gros lapins les grosses vaches. Je préfère les gros cochons, les grosses vaches, les grosses vaches qu'aux porcs. Ok, ouais. Donc elle va se faire. Elle va se faire un peu de celle-là. Donc Marie, 22 ans. Oui, bonsoir. Bonsoir Marie. Et donc bon, alors t'as entendu la question, non? Oui, j'ai tout entendu, oui. Mmh. Donc alors pour toi? Pour moi. Mmh. Oui. Mais Sabrina, te gêne pas si tu veux réagir aussi ce que va dire Marie, hein? J'écoute Marie. Oui, tu voudrais que je réagisse sur quoi exactement? Sur le râteau ou sur le lapin? Non, y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement? C'est-à-dire par lettre, et vive voix. Donc Sabrina disait juste avant que t'interviennes à l'antenne, qu'elle disait que tu peux le redire Sabrina pour Marie. C'est moi je disais quand je pose un lapin à un mec, c'est par texto ou par téléphone parce que je veux pas me retrouver en face de lui. Mais je crois que Gérard t'as pas compris parce que tu me disais si t'es depuis 4 ou 5 ans avec le mec, est-ce que tu lui poses un lapin? Mais un lapin c'est tu lui poses à un mec que tu connais pas, quoi. Tu es pas avec depuis 4 ans. Oui. Ouais, mais admettons que la personne ça fait 4-5 ans que tu sors avec le même mec. Ouais. Un jour ou l'autre, t'en as marre. Bah, comment tu y annonces? Bah, je lui dis en face. Donc lui, il se prend un râteau. Mais non, c'est pas un râteau, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Mmh. Un râteau, c'est quand tu dragues une meuf et qu'elle pêche, c'est tout. Mmh. D'accord. Une Belge. Nat. Ouais, Gérard. Ça va? Ça va bien, et toi? On va couper ta radio, par contre. Hein. Ouais, baisse un peu la radio derrière, parce que j'ai des échos. Donc, alors, t'as entendu la question? Pardon? Est-ce que tu as entendu la question? Non, j'ai pas entendu la question. Bon, alors, c'est la dernière fois que je la répète. Ouais, vas-y. Y a-t-il plus de lapins par téléphone qu'autrement, lettre, net et vive voix? Par téléphone, je crois, non? Par téléphone, lettre et vive voix. Ouais, par téléphone, les filles, elles sont pas capables de dire en face, elles sont trop couillonnes, franchement, pour aller trouver un mec et dire, ouais, moi, je veux pas te voir et tout ça. Elles le font par téléphone. Sabrina et Marie, n'hésitez pas à intervenir. Hein. On va pas lui couper la parole, elles sont trop couillonnes, mais c'est tout simplement qu'on va pas foutre un lapin en y allant. C'est complètement débile. Moi, je pense plutôt que c'est les mecs qui sont trop couillons, parce que faire ça en face, c'est une idée de mec, ça. Non mais attendez, pourquoi vous nous mettez tout de suite en jaune? Pourquoi? Attends, depuis le début on s'est traité de salope. Non, attendez. On a peut-être besoin de vous critiquer un petit peu aussi, quoi. Ouais, mais les filles elles sont salopes hein, en amour. Ouais, non mais attends, Nat. Ouais. Nat. Ouais. Attends, moi je vais quand même prendre un peu la dépense du sexe masculin. Ça change. Non, de toute manière, je vais prendre la dépense des deux parties. Faut bien se dire une chose, que ce n'est pas que nous qui vous posons les lapins. C'est vous les plus, la plupart du temps, c'est vous les nanas qui nous posez des lapins. Me dites pas le contraire, parce que je vous dirais que c'est faux. Hein? Parce que moi, des lapins, j'en ai eu. Hein? Depuis le temps que je travaille sur avec Max, hein, ça va faire bientôt 7 ans, voire 8 ans. Et en 8 ans de temps, je me suis fait avoir 6 lapins dans la job. Oh, alors, putain, le lapin, ça se produit vite, hein. Le lapin, je l'aime bien, la moutarde, mais sans la peau. J'ai vu l'état de tes dents, t'as pas chopé la mixomatose. Mais il faut bien se dire une chose, que maintenant, si j'ai demandé tout à l'heure, j'ai passé une annonce, on verra si Véronique me rappellera, mais il faut bien se dire une chose, que pour ça, Nat, t'es où là? Elle est sur la route, j'ai l'impression. Hein. Je vais récupérer Nat et tu veux dévier. Je vais rentrer chez moi, je serai dans. Ah non, mais là, je peux pas. On va récupérer Nat, deux secondes, on va récupérer Nat. On a récupéré. Morissette Perpignan, bonsoir. Morissette? Oui. T'es sur la route aussi, toi? Eh oui, je suis routière. Tu peux t'arrêter si ça te dérange pas? Tu sais ce que c'est les impératifs de livraison, hein? Ouais, non, mais essaye de t'arrêter pour... si tu veux participer au débat, essaye de t'arrêter, s'il te plaît. Bah, si je peux m'arrêter, je m'arrête. Prochaine fois, d'accord? Ok, dans ces cas-là, on va s'écouter. Vas-y, on finit dans Gérard, oui. Tu baisses de plus en plus. Tu baisses de plus en plus. Non, mais même. Tu perds quasiment 200 éditeurs au... Mais même, à la micro. Non, mais il faut bien dire une chose. Que le problème est... que ce débat, je le connais. Et donc, si je baisse, ce n'est pas grave. Mais pour bien se dire une chose, que ce débat-là, je le mènerai du bout, du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je répondrai aux questions que les auditrices me poseront. D'accord ? Faut bien se dire une chose, que là, je veux prendre je défends les deux parties. C'est-à-dire, nous, plus les nanas, il y a Cécile au standard. Bravo, Gérard! T'as fait ce mec, toi, quand même. Hein. Donc, je disais, c'est pas parce qu'il y a que Cécile au standard et sur le net, mais faut bien dire une chose, que je dépends les deux parties. Donc, faut pas nous dire que c'est de notre faute à chaque fois. D'accord? Non, mais même. Faut bien dire une chose. Faut arrêter de nous dire que c'est nous qui vous prenons pour des cons. D'accord? Parce que vous nous prenez pour des cons. Vous les nanas, vous nous prenez aussi pour des cons. Non, mais vous les mecs aussi, vous empêchez pas pour nous prendre pour des cons, des fois. C'est qui est là? Morissette. Oui, Morissette. Bah oui. Ouais, mais t'es encore pas arrêté. Je n'ai pas de parking, je ne peux pas m'arrêter sur des zébras, là, n'importe où, quoi. Non, mais sur l'autoroute. Non, mais essaye de trouver un parking, Morissette. Et je cherche, mais je suis pas sur l'autoroute, là, j'ai pris la nationale, tu vois. Non, ok. On est pas là pour parler de la route. Gérard. Oui. Je voudrais te dire quelque chose, c'est Marie qui parle. Oui, Marie. Très franchement, tu crois pas que c'est plus sympa si la fille te fond un lapin et à la rigueur, tu vois, il vaut mieux ça qu'avoir une fille en face de toi qui est complètement désagréable et hypocrite parce qu'elle se sent pas bien. Donc à la rigueur, il vaut mieux qu'elle te voit pas du tout. Alors là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Par contre, Morissette, s'il te plaît. Oui. Morissette. Oui. Là, je vais te forcer de demander à Cécile qu'elle te reprenne parce que là, c'est impossible pour moi. Hein. Une question du furet qui demande si après t'avoir pris un lapin, tu seras encore capable d'en manger le soir même. Non. Ah non, il est hors de question. D'accord. Cécile. Oui, Gérard. Morissette, tu la jettes pas. D'accord. Tu lui demandes qu'elle essaye de trouver un coin pour s'arrêter pour qu'elle puisse qu'on... Je la prends tout de suite. Hein? Ok, Gérard, c'est très très très bien. Donc tu vas poser peut-être la question suivante, hein, non, mais attends, parce que Marie, tu voulais me poser une question. On nous demande c'est quoi le comble d'un lapin. Ça va, dans le cul. Voilà, et de toute manière... Et quel est le comble du jardinier? Gérard. Non, quel est le comble du jardinier? De se mettre pour défendre ses tomates pour les faire rougir. Non, c'est de se prendre un râteau dans le cul. D'accord. Avec les dents. Ok, ok, ça c'est du vécu, Gérard. Cécile! Gérard, fait que c'est du vécu, là. Stop. Attends, Cécile. Oui, Gérard. T'es au courant de l'histoire du jardinier? Qu'est-ce que qui monte et qui descend? Gérard, je pense que le débat est plus intéressant. Ouais. Quand on a le débat, tu Gérard. Tu vas dans un ascenseur. C'est super drôle. Ouais, Cécile. Bravo. Gérard, on est mort. Faut te dire une chose. Bravo, quel bonheur. Tu dois connaître parce que tu dois être dans un jardin et donc... Bon, Gérard, vas-y. Gérard, vas-y, allez. Marie. Non, Marie. Non. C'est qui m'avait posé une question? Marie. Ouais, bah Marie, donc tu m'avais posé quoi? Parce que comme on a débordé là, je me souviens même plus. Non, je disais tout simplement, tu préfères pas que quelqu'un, une fille, te foute un lapin que de rester en face de toi et d'être désagréable avec toi et d'être hypocrite parce qu'elle est pas bien, tout simplement. Bon, alors, là, je vais te répondre franchement. Oui. Je vais te répondre franchement. Là, c'est vrai que je préfère que la nana ne vienne pas. Parce que si elle est pas belle, autant pour moi qu'elle ne vienne pas du tout. Non, mais même mis à part la beauté. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose. C'est que nous, à l'heure actuelle, nous, on ne cherche pas des super canons. Vous êtes bien là. Oui, Sabrina. Tu pourrais me passer Céline, parce que j'entends mal l'auditrice à côté. Je l'entends pas, en fait. C'est qui? Alors, Céline. Bah, je sais pas, tu lis pas, mais je l'entends pas. Céline, s'il te plaît. C'est Sabrina? Voilà. Sabrina, Céline, tu peux reprendre Sabrina parce qu'elle n'entend pas l'auditrice. D'accord, je la reprends tout de suite. Merci. Donc, pour Marie, donc, Morissette, on l'a. Non, on l'a toujours pas. Natch, non plus. Bon, bah, ok. Donc, pour te répondre, Marie. Oui. Donc, en fin de compte, comme je viens de te dire, si la personne est moche, autant dans ce cas-là que nous, on vous pose un lapin. C'est bon. Ça ne sert à rien qu'on se dépêche, qu'on perde du temps pour venir vous voir. Parce que ça ne servira à rien. Parce qu'on va perdre notre temps. Si c'est pour une histoire comme ça, juste, bonjour, tu vas bien, tout ça. Et puis derrière, qu'on nous dise, c'est bon, il n'y a rien en retour. C'est même pas la peine qu'on se dépasse. Parce qu'en fin de compte, on va se déplacer pour rien. Ouais. Hein? Donc c'est pour ça. Mais ce qu'il y a, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que vous, quand on vous appelle ou quand on vous écrit, faut bien dire une chose, que les trois quarts du temps, vous n'êtes pas capable de nous répondre. Aussi. Gérard, tu régresses. Bonjour. Oui. Gérard, on s'endort. Gérard, c'est nul. Oui, Sabrina. C'est bon. Non, mais c'est nul. Non, mais attends, c'est nul. Je réponds. C'est tout, j'ai le droit de faire ce que je veux. On comprend pas, t'articules pas. On peut recentrer sur le débat aussi. Ça bien ça au standard. Ah non, c'est tout le monde s'endort, les gens appellent plus. Ah mais merde, vous me faites chier, je fais ce que je veux. Il a raison, Esteban, c'est nul. Et puis moi, j'allais me coucher parce que bon, franchement, t'es pathétique, quoi. C'est qui? Une meuf par téléphone. C'est qui? T'es ridicule, c'est Sabrina, donc. Va te faire foutre en bas. C'est moins con quand t'as les couilles. Va te faire enculer, salope. Il y a des gens qui te reconnaissent pas comme ça. Arrête de gueuler comme ça, les filles. On va pas appeler, tu veux des filles et tu leur parles comme ça. Refaire gogo. Terminé. Terminé pour Sabrina. Comme ça y apprendra à vouloir jouer. À jouer comme ça. Donc, Marie. Oui, Marie. Non, c'est Morissette qui est revenue. Morissette, ça y est, t'as arrêté? Ça y est, je suis arrêté, oui. Donc, c'est bon, t'as compris ma réponse? Oui, plutôt, oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou est-ce que tu es d'accord avec ce que Marie m'a posé comme question en premier? Disons que moi, je trouve que déjà si on téléphone à quelqu'un pour poser... Déjà si on téléphone, c'est pas poser un lapin, c'est on prévient. Mm-hmm. Poser un lapin, par contre, c'est quand on donne rendez-vous à quelqu'un mais qu'on se pointe pas là, c'est poser un lapin. Mm-hmm. Donc je suis à moitié d'accord. T'es à moitié d'accord avec Marie ou avec moi? Avec toi, parce qu'en fait, toi, tu dis que quand on t'appelle, c'est te poser un lapin, mais c'est pas poser un lapin. Si on t'appelle pour te prévenir qu'il y a annulation de rendez-vous, par exemple. Mmh. Mmh. Ouais, mais moi, par contre, parce que, par exemple, admettons qu'on... Par exemple, je prends mon cas. Je t'appelle toi, Morissette. Je prends toi. Je t'appelle. Tu me dis, je viens tel jour. Oui. D'accord? Je t'appelle, je te dis, ok, on se donne rendez-vous à tel endroit. Je t'appelle pendant 2-3 jours. Et après, j'ai plus de nouvelles de toi. Oui. Donc, tu me rappelles pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois considérer ça comme un lapin ou pas? Il demande d'où vient l'expression poser un lapin. D'où vient l'expression poser un lapin? C'est tu pousses le bouchon un peu trop loin. Et alors? De toute manière, ils ont... Bon, réponse suffit. Réponds. Bah, quoi? Réponds à la question. D'où vient l'expression poser un lapin? Alors, poser un lapin, c'est-à-dire que C'est les nanas qui nous les posent, ce n'est pas nous. Non, mais d'où mais... ça vient? D'où ça vient? Ben, ça vient de l'expression... Comme ça, c'est ouais, tout. Mais elle a été inventée par quelqu'un. Je n'en sais rien. Bah, je veux savoir. Sais rien. Tu dis que tu as préparé ton débat. Je n'en sais rien. Bah, je veux savoir. C'est tout. D'accord. Merci d'éteindre le micro. Voilà. Nat. Ouais. Marie. Marie. D'ailleurs, on est en train d'apprendre au son là parce qu'elle avait sa radio, on est en train de lui dire. Ah, c'est Marie qui avait dit que c'est plus facile de poser un lapin qu'un cochon ou une vase parce que c'est beaucoup plus lourd. Eh, c'est beaucoup plus lourd de se faire enculer que de se faire baiser. Aussi, aussi. Hein? Non, il paraît que c'est la même chose. Ouais, ben, tu prends pas beaucoup de personnes au standard, toi. Ouais, ça s'est rendu sur ta paye. C'est hein. Moi qui trouve toutes les filles, c'est un scandale, quand même. Ouais, ben, c'est pas la paire... C'est un scandale? Hein, Morissette, c'est qui l'a trouvé? C'est moi, t'as qu'à lui demander. Morissette? Oui? C'est qui t'a trouvé? C'est qui m'a trouvé? Ben, c'est lui qui vient de dire. Ah, c'est merci c'est... Morissette, je t'aime. Mais c'est qui dit ça? Bah, c'est l'autre en standard. Gérard, on va peut-être poser une autre question. Alors, la question, là, donc là, c'est on bon. On a fait le tour. Là, on a fait le tour de la question. Alors, la prochaine question est... Alors, est-ce que... Alors là, je reprends le truc du sondage de 5%. Donc, pour Marie, Morissette, gros Jules, là. Ouais, Gérard... T'es là? Bah oui, je suis là, ouais. Et Djad? Nat? Ouais. Donc, alors, écoutez bien la question. Est-ce que la jalousie des parents entre eux peut perturber la vie des enfants s'il y en a? Vous avez bien compris la question? Tout à fait. Donc, on va s'écouter, si je retrouve ma fiche. On a le temps, Gérard. Vas-y, prends ton temps. Donc vas-y. C'est oui, oui, dans un voiture jaune de Philippe Risotto. Et on se retrouve tout de suite après au 0825-085000. Et pour les Belges, si je me trompe pas, je les aime pas. 3 secondes, 2 secondes. Je les aime pas. Ce soir, le débat du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barbare de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc on venait de s'écouter, oui, oui, dans ça, voiture jaune de Philippe Risotto. Et voilà, donc suite et fin du débat. Non, on va pas dire suite et fin du débat, parce que pour l'instant, on est bien parti. On est combien sur le net S'il vous plaît, Esteban. On est. Esteban. Non mais si t'as allumé ton micro. Ah mais il est ouvert. Il est allumé. Bah voilà. Non, il a raison, il est ouvert. Ils sont 115. Oh, oh non. Oh là là, Gérard. C'est la honte. Non, ils sont 115. Je crois qu'il faut recadrer le débat en fait. Non mais là, faut bien se dire une chose. Que c'est vrai que je parle. Beaucoup. Mais faut bien se dire une chose. On nous dit de remettre Jean-Pierre Descombes au débat. Non. Bah, c'est dire. Hein. Bon, Gérard, je crois qu'il te restait des sondages à faire, donc tu vas les terminer peut-être. Non, mais je les finirai tout à l'heure, donc... S'il te plaît, Gérard, les sondages. Allez, les sondages avec les auditeurs. Mais... Les auditeurs sont là. Ok, il faudrait couper la radio, les auditeurs. Allô? Alors, Nat? Oui? T'es arrêté? Non, je suis toujours sur on. Non, mais tu conduis plus, là? Tu t'es arrêté? Non, je suis chez moi. Ok. Non, monsieur. Marie? Oui? Gros Jules. Ouais, je suis toujours là, toujours chaud. Et Morissette? Toujours là. T'es... Oh, baisse un peu la radio là, Morissette. Bah, elle est pas allumée. À mon avis, Gérard, c'est insupportable. Il y a Caméléon qui demande si un lapin peut se prendre avec un râteau. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, explique-nous le concept. Parce que tu dis oui, mais... Non, mais attends, et si t'allumais ton micro correctement? Et puis, de manière... Gérard, on fait de la radio là, on fait pas de la télé, donc il faut que... Il a niqué l'écran. Ah, t'as niqué l'écran? Il a niqué l'écran. Putain, t'as copulé. Allez, vas-y, Gérard. Ouais, mais c'est pas grave. Explique. Gérard, ça fait deux fois que tu me niques l'écran. Hein. Ouais, non, ça fait pas deux fois. Bah si, deux fois, garde. Ouais, mais de manière, faut bien le mettre comme il faut. Il fait pssst, et c'est tout. Il fait pssst. Gérard, les sondages, s'il te plaît. Allez, les sondages. Alors, donc, pourquoi, s'il te plaît, là? Attends, y a rien de prévu entre nous, d'accord? Merci. Ok, Cécile. C'est ma copine. Il y a Petite Lapine qui dit que ses parents sont jaloux et en plus il y a un lapin à la maison. Comment il faut qu'elle fasse? Comment faut-il qu'elle fasse? Alors, comment faut-il qu'elle fasse? Eh ben, on fait le lapin ou à la moutarde. Et puis, c'est bon. Andy qui nous dit merci Pedro. Alors là, je vais te dire une chose, Pedro. Oui. Que tu vois que la semaine dernière, c'est bien toi qui faisais le bordel. Je viens de te voir un instant. La corde de brume. Ouais, bah, mais j'ai pas caché. Alors, les Français pensent que. Alors, les Français pensent que la jalousie est. Alors, 91%. Haribo, c'est bon la vie. Alors là, c'est même pas la peine de. Qui c'est qui me sort? Qui ça? Cécile? Cécile, Gérard. C'est toi qui m'as sorti ce torchon. Ça vient d'Internet, c'est Gérard. Torchon, c'est un torchon. Oh putain, Gérard. Ouais, mais apparemment. Ok, super. Il y a Noël Montperret qui demande si Gérard t'as plus de dents depuis que tu t'es pris un râteau dans la gueule. comment qu'il s'appelle? Montperret. Montperret. Noël Montperret. Alors, Noël Montperret, tu demanderas à ta mère. Si ACP couper ses poils de sa chatte pour que tu la baisses derrière. Voilà. Ah, c'était drôle. Attention. Moi, j'ai pas compris, c'était trop simple. Les pourcentages. 91% Haribo, c'est mon avis. 75% arrête ton cher Bénure. Je vois pas le rapport avec ça, avec les débats. 51%, c'est bon pour le moral, c'est bon pour c'est bonbon. Ça m'étonne. Alors, non, mais de toute manière, n'ayez crainte, rigole bien, Morissette. Rigole bien, Marie. Rigole bien, Nat. Non, mais rigolez bien. De toute manière, celle qui a fait ce torson, elle va m'entendre parler du pays tout à l'heure. On va t'entendre. Il y a Prends une douche qui demande si un lapin peut poser prends une douche. Il y a Prends une douche, tu lui demanderas qu'il ferme sa gueule et quand je parle. J'aime pas qu'on me coupe la parole. Merci. Mais je te couperai plus la parole. Donc, je te promets, alors, je te couperai plus la parole. Bah alors, t'éteins ton micro. Je ne le ferai plus. Bah j'éteins mon micro, mais non, je te couperai plus la parole. Je ne vois pas pourquoi je te couperai la parole. Alors. J'ai aucune raison de te couper la parole. Alors, tranquille, le chat. Non, pas la parole. Tranquille, le chat dans la machine à laver. Tranquille, le chat dans la machine à laver. La parole, moi, Gérard. Hey, tu mets un l'autre, ok. Gérard, enchaîne. Il reste des sondages, je crois. Oh non, mais là. Mets-lui une claque, vas-y. Non. S'il te plaît, Gérard, les sondages. On s'occupera d'Esteban. Ouais, non, mais attends. Toi, c'est toi qui m'as sorti ça, cette espèce de torchon de merde. Les sondages. Ta gueule, toi, là-bas. Ta bouche à toi. C'est les mêmes sondages que pour les présidentielles, donc c'est un peu sérieux. La présidentielle, je m'en bats les couilles. Les présidentielles, je m'en bats les couilles. De toute manière. Mais c'est la même institution que le cinéma. Il faut te dire une chose, que les présidentielles, que tu sois de droite, de gauche ou de. Mais j'ai pas parlé des présidentielles. De manière, tu seras des sondages. On sera coquilles et on en chiera. Ok, terminé. On s'en fout de celui qui va passer au deuxième tour. Pas bien. On s'en fout, de toute manière, on va en chier. Mais on a payé, c'est pour en chier. Voilà. Et c'est pas terminé. Et le deuxième tour, il n'est pas encore fini. Alors, tranquille le chat dans la machine à la baisse. Il y a Noël, ma mère, qui vient de voir passer un lapin avec un râteau dans le cul. Non, mais je veux te dire une chose. Tu es là maintenant. Non. Hey, je suis pas payé moi pour faire ce débat, alors je vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça, c'est vachement vexant. Putain, moi quand je t'entendais à la radio, j'étais quasiment amoureux de toi. Et tu me parles comme à une merde. Mais attends, tu permets, c'est moi qui commande encore. Gérard, ouais, c'est vachement vexant. Gérard, maintenant si t'es pas content, tu laisses le net et tu rentres chez toi. D'accord? Voilà, un peu de. Maître Gérard, le sondage. Attends, allô. Maître Gérard, le sondage. Gérard. Non, c'est pas lourd. Gérard. Regarde, la preuve, tu m'entends ? Ça change rien. Non. Enfin, alors. Bon, Gérard. Ok. Fini les sondages. Non, Gérard. Bien, non, mais attends, tu permets ? Non. Mais c'est bon, Gérard, le sondage. C'est moi. On est à 11 000 sur le web. On est à 11 000, mais si ça t'intéresse pas, donc d'accord, je le dis pas. Non, mais 11 000, ok. Mais faut bien me dire une chose, que pour l'instant, c'est moi qui commande lors de mes Maître débats. Maître Gérard, le sondage. Le sondage, Gérard. C'est bon. Gérard, je te présente mes excuses. Ok, merci. Pourquoi attendez-vous ? Alors, 2%, on va rater notre avion, désolé. Céline ? Alors Céline, alors attendez, je vais demander à Céline pourquoi. Dernier sondage, je veux bien. Non, mais pourquoi on va rater notre avion, désolé. En fait, quand j'ai interrogé ces gens, ils m'ont dit désolé, on va rater notre avion. Donc 2% des gens que j'ai interrogés. Attends, tu permets. Toi, tu arrêtes. Wow. Oh Il y a Gérard qui s'énerve, il est en train de frapper Pedro. J'ai rien. Il y a Camélon qui demande si tu préfères te gratter avec un lapin ou te fouetter avec un râteau. Je préfère me prendre un râteau que ça. Et voilà, et quand t'as la répartie, on remonte à 12 700. Voilà. Voilà. Bravo Gérard. Gérard O'Quinn. Par contre, Pedro. Oui. T'es vraiment un con. Parce que maintenant, je sais que c'est toi qui me saccasse tout. D'accord. C'est bien constructeur de jouer Kinder. Oh. Toi là-bas. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va terminer avec les sondages et après on va continuer le débat. De toute manière, oh là, déjà. Oh merde, oh, les sondages, le mec qui réalise. Putain, déjà 2h du matin, mais. Oh, de toute manière, on va au bureau après, ouais, vas-y. Non, mais de toute manière, après, c'est. C'est Simon. Simon, tu prendras un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Alors, quels sont les hommes célèbres connus pour la jalousie ? Alors, 85%, John Lennon. Oui. Corniché, pour 62%. Alors. Yannoun, de toute manière, elle va m'entendre chanter du pays. Je vais encore m'en prendre à la standardiste. Malgré qu'on a plus Karine, on va maintenant je vais m'en prendre sur Céline. Bon, Gérard, continue. Non, mais attends. Hé, enculé, ta mère, toi. Allez, Gérard. Alors, il y a 35% à se planquer, là. Allez, planquer. Plutôt. Non, elle me suce, genre. Plutôt le chien de. Le chien. Ta gueule, ta mère, toi, ok. Alors, gros Jules. Bonne nuit. Ah non. Bonne nuit. Va t'enculer, hop, bonne nuit. Et alors, plutôt le chien de Gérard. Merci, Cécile, hein, pour cette putain de 35% pour c'était moi. C'était Gérard Lanvin. Ouais, c'est ça, t'as raison. 15% anonyme, 7% David ne sera pas jaloux de Thomas. Moi, ça, j'en ai rien à foutre du love. De manière David. Sandy qui demande si Gérard, t'es prêt à payer un lapin pour te faire mettre un râteau dans le cul. Je préfère m'acheter un lapin que de me mettre un râteau dans le cul. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Mais attends, comment que t'es au courant, toi? Ah, bah, je sais pas, hein, ça dépend des goûts, après tout, hein. Eh, baisse un peu la radio derrière toi, s'il te plaît. Elle est pas allumée, Gérard. Alors, donc, je termine. Qu'aimez-vous dans la jalousie? Alors, 85%, une claque et ça repart. Non, mais en principe, moi, j'aurais mis un mars et ça repart. Pas de marque. Deux doigts valent mieux qu'un, ça, je m'en bats les couilles. Attends, c'est la même chose. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, je m'en fous. 25%, qu'après, c'est fini, pourquoi pas. Et 10%, mais pourquoi est-il si méchant? Parce que quoi? Je n'en sais rien. Ça, c'est des sondages. À la Cécile, mais ce n'est pas grave. Alors, on reprend la suite et la fin du débat. Hein, parce qu'il faut quand même y penser. Alors, est-ce que la jalousie des parents entre eux peut perturber la vie des enfants s'il y en a? Alors, on va demander à Nat. Ouais, moi je pense que oui. Parce que si les parents ils sont jaloux, ça n'arrête pas de gueuler. Et puis les enfants risquent de le devenir aussi, ce que t'en penses. Ok. Non, mais donc pour toi, c'est oui. Ouais. Hein? Ok. Marie. Oui. Donc pour toi? Bah évidemment, oui, c'est dangereux, parce que si par exemple la mère ou alors le père trouve que la mère gagne plus de fric, donc il est plus jaloux, il est jaloux de sa femme, ça met une mauvaise ambiance dans la famille, et puis voilà, quoi. Gérard, on nous demande, il y a Bishop qui nous demande si après, est-ce qu'on peut être jaloux en prenant un râteau juste après un lapin? Oula. Alors, attends, tu peux me répéter la question parce que... Est-ce qu'on peut être jaloux en prenant un râteau juste après un lapin? Bah, de toute manière, si tu te prends un râteau ou un lapin, ça revient au même. Non. Bah, si tu prends un râteau, c'est un refus. Un lapin, c'est un animal. C'est une expression aussi. Ouais, je pense aussi, mais je vois pas trop le rapport de... Est-ce que les râteaux peuvent poser des... Est-ce que les râteaux peuvent... Oh, puis j'ai fait merde. Ouais, d'accord. Est-ce que les râteaux posent des lapins aux pelles? Question de Gérard Mandebuleux. Ouais, ben ça, je réponds même pas à ça. Donc, Marie, pour... Bon, alors... Pourquoi une tasse de soupe? C'est pour ça qu'elle s'était planquée, parce qu'elle s'est dit, elle va se faire encore engueuler par moi, et ça m'étonnera pas. Pocantas! Oui, salut Gérard, je suis trop content d'être avec toi ce soir. Bonsoir! T'es une nana! Mais c'est pour moi que tu m'as trouvé! C'est pour moi que tu m'as trouvé quatre nanas pour finir le débat! Oui, Gérard! Mais c'est pas beau ça? Oh, bah pour une fois que ça travaille bien au standard! Pour toi! Toi, t'es bon à rien, toi! Mais c'est moi qui trouve les nanas, c'est un scandale, j'en ai marre! Je vais plus bosser avec toi si ça continue! Eh, je suis celle qui commande ici, qui c'est le boss, c'est moi! Oui, mais c'est qui trouve les nanas, c'est moi! GG, sois sympa parce qu'il est sympa au standard! Oh, c'est bon les nanas, on s'en calme! Non, c'est pas vrai, moi, c'est Cécile qui m'a trouvé! Moi aussi. Ah, c'est Cécile, voilà! Et voilà, Marie, qui c'est qui la t'a chose. Trouvé? Il y a la chose. TBS qui me dit, t'es jaloux des lapins parce qu'ils ont des dents! Non, je vais le défendre parce que c'est lui qui m'a trouvé, c'est Morissette qui parle! Ouais, Morissette! Moi, je vais le défendre parce que c'est lui qui m'a trouvé et je suis bien content d'être avec toi, GG. Alors, donc Morissette, c'est le mec. Comment? Redis ton nom. Hervé. C'est Hervé qui t'a trouvé. Pocantas, voilà. C'est qui? C'est Cécile. Cécile. Marie. Moi, c'est un garçon qui m'a eu et c'est une fille qui m'a rappelé. Ah, donc t'as eu Hervé, mais c'est Cécile qui t'a rappelé, ah, c'est Céline. Ça? Céline. Oui. Cécile ou Céline. Caroline, pourquoi pas? Non, Gérard, pas ce débat. Nat, qui c'est qui t'a... On baisse. Gérard, le débat. Nat, qui c'est qui t'a... Tu permets, Cécile. Eh, on n'est pas dans un avion. On dit pas, Gérard, le débat. Attention, nous allons atterrir dans moins de 10 minutes. D'accord. Je m'en fous de l'heure. Excuse, Gérard. Je m'en fous de l'heure. Il avale. Moi, j'en veux pas. C'est rien du tout. C'est pas moi. Allô. Nat, qui c'est qui t'a sélectionné? Gérard, on s'en tape un peu. Gérard, on s'en tape. Nat, qui c'est qui t'a sélectionné? Cécile. Voilà. Donc, 3 pour Cécile et 1 pour l'autre. Oh. Alors, Gérard. Dans 20 minutes. Oui, c'est ça. Attends, tu peux recommencer, Cécile? Tu t'es fait gueuler, Cécile. Bon, Gérard, il y a un débat, je crois qu'il faut poser une question et que les gens interviennent. Vas-y. Alors, non, mais ça y est, la question qui baisse, on baisse. Hein. Non, tout le monde l'a compris, là, la question. Alors, Nat. Oui. Donc, pour toi. Oui. Alors, est-ce que la jalousie des parents entre eux peut perturber la vie des enfants? Si il y en a. Oui, oui, énormément. De trop, franchement, ouais, à fond. Ouais, bon, de toute manière, je sais pas quel âge que t'as. 22, l'électrique, merci. Ah, donc, toi, t'es sus. Non, mais c'est bon, vous arrêtez là, s'il vous plaît. Bah, ça va. Non, là-bas, le micro, là. Le voyant est allumé. Ah, bah, tu m'entends? Le voyant rouge est allumé, tu m'étais le voyant. Le voyant est allumé, je l'ai vu, hein. Merci. Quand je... Donc, pour toi, Nat. Oui. Donc, toi, t'as 22 ans. Est-ce que t'as déjà des enfants? Eh non, pas encore. Non, pas encore. Est-ce que t'as un copain? Non plus. Non plus. Ah, bah, décidément... Gérard, il n'y a pas que lui. C'est rien que pour soi, hein. Moi, c'est bien. Pas copain, Gérard. C'est Pocahontas. Ouais, non, mais attendez. S'il vous plaît. les papiers là-bas, vous me les retirez de... Merci. Alors, allô Marie. Allô Marie. Oui. Donc, pour toi. Quoi? Bah, la question. Ah ben, tu m'avais dit... Répondu, ah ouais. Pocantas. Oui, et ben moi je trouve que tout dépend qui est jaloux de qui. Quand le père est jaloux de la mère, ça va à peu près, mais il arrive des moments où la mère est jaloux du père, et où les enfants, en fait, il arrive souvent que les enfants soient amoureux de leur mère ou de leur père, et donc à ce moment-là, il y a une jalousie malsaine qui s'installe entre les gens, et je pense que ça peut être catastrophique pour un couple. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Il y a Caméléon qui demande si les lapins peuvent rouler des pelles au râteau. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Et est-ce qu'il vaut mieux poser un râteau ou prendre un lapin dans le cul? Gérard, des questions qui arrivent comme ça, moi je te l'ai dit, tu veux pas répondre. Non, mais je réponds pas. Tu baisses. Mais même, je réponds pas sur des questions de merde. C'est tout. C'est des questions de merde. Ta gueule va t'enculer, toi, connard. Ah, Gérard, en rapport avec la semaine dernière, est-ce qu'on peut être jaloux d'un lapin monocouille? Et tu lui demanderas, est-ce que sa mère, elle va se faire enculer au bois de Boulogne? Alors, Morissette, pour finir. Oui. Donc, pour quoi? Ben, moi, je voulais dire que quand c'est les parents qui sont jaloux, ça peut devenir grave pour les enfants. Parce que les enfants, eux, voient ça au quotidien et peuvent croire que ça. Et ils le prennent comme si c'était naturel, en fait. Et eux, ils deviennent après par la suite jaloux, mais ils ne le voyaient pas par le mal, en fait. Ils le portent en eux comme si c'était naturel. Ah, donc, tu reviens sur. Avec Pocantas, sur ce qu'elle disait. Oui, carrément. En gros, ouais. Il y a Jeff qui demande, est-ce que Gérard, tu penses qu'un lapin peut tuer par jalousie des parents avec un râteau? Faut répondre, Gérard. Et est-ce qu'une pelle peut être jalouse d'un râteau par Kaiser? Tu demanderas si sa mère a un râteau dans le cul ou dans la chatte. Et est-ce qu'un fou psychotique peut tuer un râteau avec un lapin? Hop, terminé, je réponds plus aux questions d'Internet parce que là, c'est de la merde. Tu as bien raison, Gérard. Alors, Pocantas, tu as quel âge, s'il te plaît? Parce que là, toi, tu m'as posé... J'ai 26 ans. 26. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants, Gérard. D'accord. Morissette. Oui. Ouais. Morissette. Oui. Donc, toi, est-ce que tu as des enfants? Non, pas encore. Non. Marie, non plus? Non. Et Nat, non plus. Hein, c'est bien ça? Non, toujours pas. Bon, alors, j'ai un chien, si tu veux. Comment? J'ai un chien. Tu cherches? Non, elle a un chien. Elle a un chien. Elle a un chien. Non, mais c'est pour toi, peut-être, le chien. Non, mais je ressemble pas à un chien, moi. Sus. Merde. Tiens. Je vais répondre quand même. Moi, est-ce que je vais vous répondre? De toute manière, ça va être la fin. Bon, ça y est! Tu fermes ta gueule, Pedro, d'accord? C'est terminé. Je vais recommencer le débat. Vas-y. Donc, je réponds sur la question pour tout le monde, pour Nat, Marie, Pocantas, c'est Morissette. Okay. Donc, alors je préviens que le prochain qui dit encule, je coupe mon micro et je m'arrache. Je ne répondrai pas. Gérard, oui. Entre parenthèses, c'est le seul garçon qui t'a dit ça, hein? Ouais, mais de toute manière... Surtout les garçons, c'est tous des malpolis, moi, j'ai toujours dit. Ça, c'est clair. Ils sont rustres. Non, mais... C'est lui qui pense que ça comme ça, hein. T'as vu, il a recommencé en plus. Ah non, mais manière, c'est Simon. Mais c'est qui fait ça? Simon, tu fermes ta gueule. Merci. Je suis ventriloque, m'en fous. Bon, et Simon, c'est terminé maintenant, d'accord? Gérard est prié de recommencer le débat. Attends, on n'est pas dans un avion, d'accord? Tant que Simon arrêtera pas ses conneries. Mais c'est pas lui, je te promets. Bien sûr, il s'est barré. C'est à cause des râteaux et des lapins que tu es devenu un alcoolique sodomite. Je ne réponds pas à des questions de merde! Gérard est prié de recommencer le débat. Donc Simon, arrête tes conneries, s'il te plaît. Merci. Donc, je réponds à vous, Nat, Marie, Pocantas et Morissette. Donc, en fin de compte, le problème qui se passe, c'est est-ce que la jalousie des parents entre eux peut perturber la vie des enfants? Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut bien se dire dans la tête, c'est que lorsque vous êtes en couple, qui a des enfants, automatiquement, il y a une jalousie s'il y a des enfants. Mais Faut bien vous dire une chose. C'est pas parce que on dit toujours les nanas, mais c'est vrai qu'il faut qu'on assume 50-50. En fin de compte, nous aussi, on est 50-50 responsables de ce qui se passe. Gérard, c'est très beau ce que tu viens de dire. Ouais. Je veux te dire, mais oui. Chez les enfants, là où ça c'est va, qui, là, c'est qui, vie, c'est qui, c'est qui, frères et sœurs. C'est qui qui parle? C'est Morissette. Oui, Morissette. Ce que je veux dire, les enfants, le premier âge où ils connaissent la jalousie, si jamais arrive un petit frère ou une petite sœur, tu vois. Oui, non, ouais, mais là, là, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que s'il y a un petit frère ou une petite sœur, automatiquement, pardon, automatiquement les parents. Moi, c'est la mère ou le père. Putain, mais arrêtez de roter, c'est dégueulasse. Oh, ta gueule, ferme ta gueule, appelle-toi, enculé. Bon, ouais, maintenant vous allez arrêter ici. Vous allez me laisser faire mon débat tranquille. Et Simon, tu vas fermer ta gueule. Gérard, nous allons devoir conclure. Mais allez, je vais conclure, mon. La main me semble un culé d'un joueur. Donc, je réponds à Morissette. En fin de compte, s'il y a un frère ou une petite soeur, c'est vrai que le problème se pose, en fin de compte. C'est que automatiquement le père ou la mère va être branché tout de suite sur le deuxième venu. Donc automatiquement, si c'est une fille, la fille sera épargnée de l'histoire. Mais il faut bien se dire une chose, qu'il y a 50-50 des deux côtés. Il faut bien se dire une chose, que nous, on est aussi responsables que vous, les filles. C'est très clair, Gérard, j'ai tout compris, bravo. Gérard. Il y a Franck VIP qui demande, Gégé, est-ce que tu as pensé à pas faire d'enfant? Bah, de toute manière, j'ai eu une fille et je la revois pas. D'accord. Merci, en de bon entendeur. Salut pour la question. Gérard. Oui. J'ai une dernière question. Oui. Avant qu'on. Bah, on va faire la conclusion là parce que. Non, mais ne prends pas mal. Non, je t'écoute. Franchement, si tu fais ce débat là, c'est que ça doit te tenir à cœur. T'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Que tu ne sois pas des râteaux tous les jours et des lapins. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est qui Attends, c'est Morissette? Non, c'est Marie. Oui, Marie. Donc, ça veut dire que toi, tu t'en reçois quand même pas mal. Bah, jusqu'à présent, je me suis pris plus de lapins que de râteaux. De toute manière, je me suis pris des deux côtés. Hein. Gérard. Attendez. Attendez, 5 minutes. Marie, oui. Oui, mais tu t'es peut-être pas demandé, bon, c'est aussi de la faute des films, mais tu t'es peut-être pas demandé si de ton côté, il y avait quelque chose qui allait pas, ou ta présentation, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose aussi. Ah ben, pour l'instant, jusqu'à maintenant, je réponds à ta question. Nat, si tu as une question, ou pas comme ça, c'est Morissette, si vous avez une question à me poser. Non, je t'écoute comme un livre ouvert. Je réponds à Marie. Donc, c'est pas parce que là, ce soir... De toute manière, ça fait 2 semaines que je viens bien habillé. C'est pas pour ça que dans les... Pas ce soir, Gérard, pas ce soir. C'est pas pour ça que dans... je reprends pas de débat avant je sais pas quand. Mais c'est pas pour ça que si j'ai lancé un appel tout à l'heure, ça veut dire que je risque de me prendre encore un râteau ou peut-être me faire poser un lapin. Oui, mais les appels que tu fais, toi, c'est pour des filles de 23 ans, 26 ans. Et il faudrait peut-être chercher aussi les filles de ton âge, peut-être que ça marcherait mieux. Non, mais... C'est pas les mêmes attentes, hein. Non, mais... C'est trop de sélection, Gérard. Non, faut bien se dire une chose. Ce que je recherchais, c'était pour essayer, comme vous avez besoin, comme nous, on a besoin, vous avez besoin de tendresse, de câlins, d'affection, tout ça. Ça, je le comprends très bien chez vous. Nous aussi, on a besoin de ça. Hein. Mais il ne faut pas être aussi sélectif. Hein. Oui, moi, je ne trouverai pas. Hein. Non, mais attends, je ne suis pas sélectif. Je n'ai pas encore. Non, hein. Pour l'instant. Tu as écouté hier. Hein. Non, mais j'ai sélectionné encore personne. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est pas plus la peine. Hein. Et qui? C'est Morissette qui parle. Oui, Morissette. Moi, j'ai voulu appeler quand j'ai vu que tu sélectionnais tout le monde. Je me suis dit, c'est bon après. Ah non, alors là, je vais te dire une chose. Dans ces cas-là, c'est pas moi. Tu n'as pas voulu que tu passes, c'est Pedro hier, d'accord? Ouais, moi aussi, il m'a raccroché au nez hier. J'ai voulu appeler, il m'a raccroché au nez. Ah, c'est voilà. La faute de Pedro Gérard. Genre, il y a Broutos qui demande est-ce que ta mère s'est déjà fait brouter le minou par un gros lapin? Oh putain, ça va mal, ça finir. Gérard, je crois qu'il y a une conclusion à faire. Il y a des tas de gens qui demandent, ça fait 40 fois qu'ils demandent. Nous allons devant. C'est un vrai gentleman, j'en suis sûr. On n'écoute pas. Mais Gérard, il est au maximum au niveau internet, Gérard. Il est à 13 816. On est à 13 816. Alors Gérard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conclure, parce que Max m'a appelé pour me dire qu'il fallait conclure. Il ne faut pas rester. 13 816. Donc voilà. Donc Gérard, la conclusion, et on va y aller. Nat, pour toi, que c'est... Bon, c'est vrai qu'on... Que c'est... merci pour le Larsen. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de questions. J'ai voulu répondre sur toutes des questions qui étaient très importantes. Mais de toute manière, ce débat-là sera à refaire très prochainement. Ouais, dans 5 ou 6 ans. Alors, Gérard. Donc, Nat, ouais. Pour toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu as écouté depuis le début, hein. C'était pas endormi, hein. Pas depuis tout le début. Mmh. Non, mais qu'est-ce que tu en as pensé de, par exemple, je sais pas, sur les questions qu'on m'a posées et que j'ai répondu. Les questions qu'on t'a posées, franchement, elles étaient nulles à chier, mais par contre, ce que tu as répondu, c'est extra. Mmh. Moi, j'ai adoré, franchement, c'est trop excellent. J'aimerais juste que tu en fasses ça, je te reçois le direct, hein. Mmh. C'est excellent, franchement, c'est génial. C'était une bonne idée. Ça change un peu parce qu'on n'entend jamais ça nulle part. C'est vraiment génial. Mmh. D'accord. Ok, ben, je te souhaite une bonne soirée. Et une bonne soirée, par contre. Bishop, il y a Bishop qui dit Gérard, ton débat, et c'est un pet de lapin. Ouais, ben, c'est bon. Maintenant, je fais la conclusion avec les auditrices. Vas-y, termine là ta conclusion parce que Simon attend. Va terminer. Ben, Simon, il attendra. Marie ? Oui. Donc, pour toi ? Bah écoute, moi dans l'ensemble je trouve ça bien, mais très franchement, je trouve que tes questions étaient pas super. Pourquoi ? Mais t'as répondu bien aux questions que les auditeurs posaient. Bah non, c'est pas les auditeurs, c'est les auditrices. Hein. Oui, les auditrices, d'accord. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que c'est vous qui est en jeu, parce que c'est vous qui nous posez plus de lapins qu'autre chose. Hein. Ouais, bon, on va pas en venir. Mais... Mmh. D'accord. Ok, bon, bah, je te souhaite une bonne nuit. Merci. Et puis, ben, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, on sait pas. Oui. Ok. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Pas qu'on passe. Eh ben moi, Gérard, j'ai trouvé ce débat magnifique. Je trouvais qu'on sentait toute la sensibilité de l'homme que tu es. Par contre, je trouve ça vraiment dommage que tu t'énerves autant. Vraiment, ça m'a gâché mon plaisir. Dans quel sens que... On sent que t'es un homme très sensible, tu as une sensibilité à fleur de peau et tu demandes que des câlins. Mmh. Mais tu es très énervé à l'antenne et tu as envoyé chier tout le monde. Et vraiment, je trouve ça pas bien, Gérard. Non mais attends, pas qu'on te passe. Oui. Je peux te reparler en antenne si ça te dérange pas. On fera ça en antenne, Gérard. Vas-y, la dernière personne. Et Morissette, Morissette, oui. Pour finir. Ben moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques questions qui étaient pas mal. Mmh. Bon, après, d'autres qui étaient un peu inutiles. Mmh. Mais sinon, en gros, c'était un super débat. J'étais super contente d'avoir ce soir, puisque je t'ai pas eu hier. Mmh. Et si c'était à refaire, je le ferais. Donc, tu veux que je te parle en antenne? Si tu as le temps. Bah, il n'y a pas de problème. Gérard, ta conclusion maintenant. Donc, je récupère en tête. Cécile. D'accord. Non, on va laisser un auditeur. Cécile. Kaiser qui nous dit que pour éviter les lapins, vaut mieux les tuer à coups de râteau. Bon, mais c'est bon, j'en ai rien à foutre, c'est même pas ça. C'est Cécile, s'il te plaît. Ok, Gérard, à la suivie, fais ta conclusion. Non, attends, tu permets? Non. Cécile, s'il te plaît. Tu me laisses Pocantas et Morissette en tête. C'est fait. Déjà. Merci. Donc, alors, conclusion du débat. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre. Dans la nouvelle équipe, et ça, vous pouvez maintenant allumer vos micros, le site internet, on termine sur combien, s'il vous plaît? Alors, ça dépend si ce que tu vas dire sur moi, c'est gentil ou pas. Non, mais je veux savoir sur combien de personnes qu'on termine. On est à... presque, ouais, c'est ça. On est presque, ouais. Non, mais le chiffre. Ah, le chiffre? Bah oui. Ah. Voilà. Non mais quand tu veux, hein. Il faut qu'il compte à part. 13 000 tourons, ouais. Enfin. Un débat. Alors, là, je peux vous dire une chose. Quand même, Pedro. Oui. Pour une fois, t'as bien travaillé. Ah, pour une fois. Au standard, je n'ai pas à me plaindre. Ça a été bien. Oh là là. Sur le net, par contre. Ça craint du boudin. À un moment donné, c'est vrai que. Par un moment donné, ça a viré. Je suis que le transcripteur des questions des auditeurs. Ouais, non, mais ça... et qui ce soir voulait que tu fasses le lapin et le râteau dans le cul. Merci pour le Larsen. Merci Pedro. De rien. Enfin, c'est vrai que on n'a pas été jusqu'au bout des questions parce que c'est vrai que. Non mais c'est vrai que le débat était très long, ouais. Et qu'en fin de compte on me posait des questions, donc j'étais obligé de répondre. Donc je m'excuse auprès des auditeurs si le débat n'a pas été jusqu'au bout. Mais de toute manière, il sera à refaire jusqu'à très prochainement. Donc, ben, sur ce, vous allez passer la nuit avec Simon. Et on va s'écouter pour quoi, pour finir? Ah bah tiens, je vais te donner la fiche, tiens. Vas-y, tu vas le lire. J'ai une annonce à faire, vas-y, lis le titre, j'ai une annonce à faire. Et j'aime la gym de ça sur ton ville, sur ton lit, surtout au lit. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. Et 0825-085000 si vous voulez récupérer des places pour le spectacle de Bruno Salomon qui aura lieu demain au théâtre Trévis. À demain à 20h30, vous pouvez appeler 0825-085000, il y a des places à retirer. Voilà. Et voilà, donc, tout de suite. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, tout de suite, c'est Simon pour trouver. Pour la nuit sans bip avec sans bip. Céline. Avec Céline. Céline, et surtout. Oui, Gérard. Et je veux entendre les Das Punk. Je veux les Das Punk pour dédicace pour moi. Je dédicace les Das Punk à Gérard. Voilà, ouais, mais je les veux. Allez, bonne nuit à tous.